Il semble bien que Jean-Baptiste et Jessica aient été victimes de la barbarie. Cette barbarie qui gangrène aujourd'hui le monde et qui a ciblé une nouvelle fois un des nôtres et sa famille, puisque l'horreur a été atteinte, c'est-à-dire tout ce que les policiers redoutaient le plus a été mis en place. Quelqu'un est allé chez votre famille. Et c'est vrai que c'est ce qui pouvait arriver de pire pour tous les policiers qui redoutent cela, que leur famille soit agressée, que leur famille soit touchée à cause de leur profession. On sait que nous sommes visés. Depuis 2012, plusieurs policiers militaires ont été tués. Mais aujourd'hui, c'est un degré supplémentaire qui a été franchi. Interview de nos collègues de Radio France. Un rassemblement organisé ce soir à Bruxelles en hommage aux victimes de la fusillade d'Orlando. Rassemblement à l'appel des associations homosexuelles à 19h devant la Bourse. Deux jours après la fusillade dans une boîte gay, l'enquête se poursuit. Une nouvelle piste est évoquée ce matin. Le tireur Omar Mateen était peut-être lui-même homosexuel. Plusieurs habitués de la discothèque affirment l'avoir croisé à plusieurs reprises. Un de ses anciens camarades de classe affirme qu'il lui a fait des avances. 5% de calories en moins dans nos aliments d'ici à la fin de l'année prochaine. La ministre de la Santé et l'Industrie alimentaire viennent de signer une convention pour réduire la valeur énergétique de nos aliments. Objectif, lutter contre l'obésité. On va voir quels produits sont concernés et comment ça va se passer. Mais Aline Gonzalez, dites-nous d'abord qui a signé ce texte. Eh bien, la ministre et deux fédérations, la FEVIA pour l'industrie alimentaire et Comeos pour le commerce et les services. Elles promettent donc de diminuer de 5% l'apport calorique. Exemple, pour les céréales du petit-déjeuner, ce sera 4% de sucre en moins et 5% de fibres en plus. Il est question aussi de diminuer la taille de certaines portions. Un grand nombre d'enseignes sont concernées. Les supermarchés, où les efforts vont porter sur tous les produits, y compris les marques distributeurs. Il y a les chaînes de restaurants, Pizza Hut, Quick et autres. Et puis les services comme Sodexo, qui fournissent les cantines scolaires. Nous avons demandé à Michèle Dripont, diététicienne et nutritionniste, ce qu'elle pensait de cette convention. Elle se dit sceptique. Diminuer la quantité calorique, à mon avis, ça ne sert à rien. Un aliment qui est moins calorique est automatiquement moins rassasiant, donc je pense qu'on en mange plus. Alors Aline, est-ce qu'on a des garanties que le secteur respecte ses promesses ? Alors la convention n'est pas contraignante, mais dans le secteur, on affirme qu'on est volontaire et on rappelle les résultats déjà engrangés par le passé. Jean Ellenbosch, directeur de FEVIA. Nous avions conclu avec la précédente ministre de la Santé publique une convention similaire pour provoquer la diminution du sel dans les aliments et nous l'avons diminué de 10%. Et concernant cette nouvelle convention, aucun contrôle n'est prévu, mais une évaluation sera faite fin 2017. Les explications d'Aline Gonzalez avec Simon Gérard. Un point RTBF Mobile Info, une situation très difficile sur la E42 ce matin, Stéphane Piedboeuf. Et c'est depuis hier soir que ça dure. Un accident impliquant deux camions s'est produit donc sur le 42 entre Namur et Mons à hauteur de Gosly. Et les deux camions sont situés sur les bandes centrales et de droite. Il y a des files actuellement avant Sambreville sur 11 km et les automobilistes prisonniers de ces embouteillages perdent plus d'une heure 30 en direction de Mons. Il y a également des gros embarras de circulation sur les nationales des alentours, sur la nationale 29 notamment entre Saint-Amand et l'Embussard ainsi que sur la nationale 90 entre Queumier et Moignelier. Alors c'est un incident de longue durée, on devrait en parler tout au long de cette matinée car le déchargement des remorques est en cours et donc à mon avis jusqu'à midi la circulation sera extrêmement difficile. On vous conseille dès lors d'éviter les lieux. Et sur cette 42 entre Mons et Liège, une voiture est sur le toit à hauteur de Fernelmont. C'est la bande d'arrêt d'urgence qui est neutralisée mais il y a malgré tout des files depuis Dossous sur 4 km et un quart d'heure ajouté à votre temps de parcours en direction de la Cité Ardente. La circulation est ralentie dans l'autre sens entre Fernelmont et Dossous sans doute à cause de la curiosité. En province de Liège, vous êtes toujours ralenti sur la 602 entre Longsin et Chénet, précisément entre Chénet et Saint-Laurent sur 2 km, sans oublier le chantier de Cherade qui, comme tous les jours, vous ralentit sur le 40 Aix-la-Chapelle-Bruxelles. Sur quelques kilomètres en amont de ce chantier, vous perdez un bon quart d'heure. Et puis, direction la capitale, où ça se passe bien. Pour rejoindre Bruxelles, vous perdez moins d'un quart d'heure sur l'ensemble des axes qui convergent vers Bruxelles. On ne peut pas en dire autant du ring, puisque le chantier d'Anderlecht vous ralentit. Les temps de parcours sont les suivants. Circulation extérieure entre Hautitre et le carrefour Léonard, c'est 40 minutes supplémentaires. Entre Grand Bigard et Hautitre, c'est 16 minutes. Et pour la circulation intérieure, donc à cause de ce chantier d'Anderlecht, entre Hautitre et Grand Bigard, c'est plus de 30 minutes qu'il faut ajouter à votre temps de parcours. Et la circulation est également ralentie entre Grand Bigard et Zaventem, où vous perdez un bon quart d'heure. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Belle journée sur Vivacité, sur la Une en télé, le débat de C'est vous qui le dites avec Benjamin Maréchal. C'était donc Sébastien Joris, je vous rappelle votre pronostic pour le match d'hier. C'est pas grave. Oui, c'est sur Facebook, c'est enregistré, il était à côté de la plaque, c'est pas grave. La rédac revient à 10h. Et si les entrepreneurs wallons bénéficiaient de plus d'un milliard d'euros pour leur crédit? C'est le cas. CBC Banque Assurance. Décidez d'avancer. Les matins, en direct, sur Vivacité, l'actu et les grands débats de société, Benjamin Maréchal vous donne la parole au 070 233 466. C'est vous qui le dites. Pour ceux qui en ont déjà marre du foot et pour les autres, voici trois débats sur la table, un seul à partir de 10h pour aller plus loin. Au 070 233 466, les Diables Rouges ont perdu 0-2 contre l'Italie. Qu'est-ce qui s'est passé? Et est-ce que ça va être chaud pour la suite? On attendait donc ce match d'ouverture et on l'a eu. But italien à la 32e puis à la 90e minute. La presse est très dure ce matin. Une rencontre disputée en mode match amical, peut-on lire. Un premier but encaissé à cause de la longue passe de Bonucci. Le genre qu'on voit dans les matchs de jeunes le samedi matin, écrit le journal Le Soir, et Vlan. Hier, la Belgique a pris une leçon de tactique. La défense italienne a enfermé Lukaku. C'est difficile de jouer contre une équipe à 10 derrière, affirmait Mark Wilmots à l'issue du match. L'entraîneur qui n'arrivait pas à expliquer l'absence de De Bruyne. Il était peut-être fatigué par une saison harassante, a dit l'entraîneur. Thibaut Courtois, lui, va beaucoup plus franco. Difficile quand autant de joueurs ne sont pas à leur niveau habituel. Il y a eu, oui, il y a eu un problème au milieu et non pas en défense. Bref, nous voici déjà obligés de gagner les deux prochains matchs. Alors c'est la question pour vous ce matin. Les Diables Rouges ont perdu 0-2 contre l'Italie. Qu'est-ce qui s'est passé et est-ce que ça va être chaud pour la suite? À Perouet, on construit un refuge 5 étoiles, 3000 animaux, 12 mètres carrés par chien, de la musique, 2 mètres carrés pour les chats. Est-ce que c'est trop de place? Pas assez de place? Beaucoup mieux qu'ailleurs? Moins bien qu'ailleurs? Hier, on a donc posé la première pierre du refuge le plus cher de Belgique, à Perouet. 2,5 millions d'euros pour construire ce refuge qui accueillera 3000 animaux, géré par l'ASBL Sans Collier. Dès octobre 2017, ce refuge deviendra LE modèle. Chaque chien disposera d'une partie intérieure chauffée et d'une partie extérieure. 12 mètres carrés, stress réduit, dit-on, grâce à des locaux sonorisés pour faire de la musicothérapie. Un parcours détente de 1000 mètres carrés à l'extérieur sera mis à disposition. Et puis un œil sur les chats qui, eux, auront 2 mètres carrés à disposition. Et les responsables disent vouloir, avec ce refuge 5 étoiles, aller à l'encontre de l'image triste des autres refuges en faisant un lieu agréable à visiter. Alors la question pour vous ce matin, à Perouet, on construit un refuge 5 étoiles, 3000 animaux, 12 mètres carrés par chien, de la musique, 2 mètres carrés pour les chats. C'est trop? C'est pas assez? C'est beaucoup mieux qu'ailleurs? C'est moins bien qu'ailleurs? Et puis au 070-233-466, trois jours après les 50 morts d'Orlando, est-ce que l'homophobie est une réalité dans la communauté musulmane, là-bas et ici en Belgique? Le tueur des États-Unis, Omar Mateen, met à la une trois questions. Celle de la radicalisation, celle des armes et celle de l'homophobie. Il était un homophobe notoire. Les observateurs affirment du coup sans détour que l'homophobie, oui, est une réalité dans la communauté musulmane. Dans les pays arabes, on le sait, avec la peine de mort pour les homosexuels, mais chez nous aussi, puisqu'une étude de Corinne Torkens, spécialiste de l'islam à l'ULB, affirmait il y a quelques mois que pour 60% des Belges musulmans, l'homosexualité n'était jamais justifiée. Le conservatisme moral reste très important pour tout ce qui concerne la sexualité. Les musulmans sont racistes des gays, mais à l'inverse, les gays deviendraient islamophobes, d'après Meraba, qui est l'association pour musulmans LGBT en Belgique. Question pour vous ce matin, trois jours après les 50 morts d'Orlando, est-ce que l'homophobie est une réalité dans la communauté musulmane, là-bas et ici en Belgique? Marion Jomot, standard ouvert. Et au standard avec Zoé Boss, nous attendons vos appels par téléphone au 070-233-466 ou par SMS au 3063, 50 cents par message. Ce matin, trois débats, dans C'est vous qui le dites. En bref, la défaite de la Belgique hier contre l'Italie, le refuge pour animaux le plus cher de Belgique et l'homophobie dans la communauté musulmane. Le débat, c'est vous qui le faites, mais en attendant, Isabella Lenarduzzi, fondatrice de Jump, une organisation qui s'occupe de l'égalité hommes-femmes en entreprise et au travail, est la première à entamer le débat ce matin. La conversation avec Isabella, bonjour. Bonjour Benjamin. Vous avez regardé le match du Diable Rouge hier soir? Oui. Alors, les Diables Rouges qui perdent 0-2 contre l'Italie, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça va être chaud pour la suite? Est-ce que vous avez vu ces moutons noirs que sont ce matin dans la presse De Bruyne et Lukaku? Est-ce que hier soir, vous les trouvez très en deçà et décevants? C'est sûr qu'on attendait plus de De Bruyne. En même temps, on sait bien qu'il n'était pas à sa position favorite. Donc, ça crée véritablement débat. Ça veut dire une erreur? Parce que se profile déjà la question des choix de Mark Wilmots. Hein. Alors, moi, je ne suis pas quelqu'un qui refait les matchs parce que d'abord, je ne suis pas vraiment experte. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'experts que moi. Je ne sais pas. En tout cas, les choix, manifestement, de l'entraîneur se sont révélés inefficaces, certainement par rapport à l'Italie, qui est quand même une grande équipe et qui a été particulièrement efficace. J'ai entendu Witzel dire un mot assez malheureux en appelant les Italiens de roublards. Non, je ne pense pas qu'ils sont roublards, parce que ça, c'est péjoratif. Le bon mot, c'était quoi? C'était meilleur, tactiquement mieux organisé? Clairement. Ils ont en tout cas été plus efficaces. Comme dit Wilmots, d'ailleurs, c'est le premier à le dire, c'est pas la peine de bien jouer si après on ne marque pas de but, et donc voilà. Chacun ira avec son feeling ce matin évidemment, mais hier vous avez vu des Diables Rouges qui étaient victimes de la pression des enjeux, ou vous avez simplement vu une équipe qui tactiquement, peut-être même physiquement, n'était pas au point? Est-ce que c'est pas un petit peu des deux? Je pense qu'effectivement il y a tellement de défections dans l'équipe, il y a un apprentissage d'une nouvelle forme d'équipe avec de nouveaux positionnements pour certains joueurs qu'a fait Wilmots et qui manifestement n'a pas donné de bons résultats. Et puis oui, peut-être qu'on attendait trop de cette équipe, peut-être. Vous traduisez les mots à l'interview quand Courtois dit on allait dire qu'il y avait un problème de la défense, mais non, Courtois il dit il y a un problème au milieu avec des joueurs en dessous de leur niveau qui n'étaient pas à leur bonne position. Quand un Courtois dit ça, c'est qu'il y a déjà mauvaise ambiance dans l'équipe? Je ne pense pas, je pense que c'est vraiment la déception. C'est très très compliqué après de se retrouver perdant, de commencer un tournoi aussi important que celui-là sur une défaite qui est quand même une défaite cuisante, même si c'est face à une équipe exceptionnelle quand même, l'Italie, mais manifestement c'est quand même terrible, et donc c'est clair qu'ils vont essayer de trouver des responsables. Ah ben vous me direz dans un instant si ça va être chaud pour la suite. On va demander un avis à Liège. Jean-Claude, bonjour. Bonjour Benjamin. Vous avez regardé le match hier soir? Tout le match, oui. Bonjour toute l'équipe d'abord. Hein. 0-2, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'aime bien, mais on montre le doigt Kevin De Bruyne, mais il n'y a pas que lui qui a été mauvais. Hein. Ah ben qui? Faites-moi la liste. Qui était en dessous de son niveau, pour reprendre les mots de Courtois? Moi, je trouve que Vertonghen n'était pas à son niveau non plus, parce que... Oui. Je vous écoute, Jean-Claude. Coupez la télévision et la radio derrière vous, sinon vous êtes tracassé par le décalage du son, et je vous écoute. Le Vertonghen, c'est chaque fois qu'il était dépassé par les Italiens, quoi. Mais c'était un problème d'organisation, tout le monde dit ça. Les Diables ont pris hier une leçon de tactique. Ben oui, parce que je ne sais pas pourquoi il a mis De Bruyne à gauche, alors qu'il est axe central. Pourquoi? Moi, je trouve que c'est peut-être pour ça qu'il n'était pas à la hauteur, Kevin. Hein. Mais vous avez une explication? Vous pouvez défendre le choix de Mark Wilmots, ou vous ne comprenez vraiment pas? Je ne comprends pas pourquoi il a mis à Lille. Lukaku, vous l'avez trouvé comment hier? Il n'était pas à son niveau non plus. Ah bah pas à son niveau non plus. Certains ont dit qu'il était en permanence de dos. Jean-Claude, vous êtes à Liège. Othon, double salve, Honoré en ligne, bonjour. Bonjour. Alors je vous dispense de qu'est-ce qui s'est passé hier. Est-ce que ça va être chaud pour la suite? Est-ce qu'il y a le feu dans les Diables? Oh que oui, parce que moi je ne les vois pas se qualifier. Parce que quand j'ai vu le match des Irlandais... Ils ont peut-être pas un beau football, mais ils jouent avec leur cœur. C'est qu'on n'a pas ici en Belgique. Et puis, bon... Et les Diables, ils n'ont pas joué avec leur cœur hier? Non, il n'y a pas de... Allez, il n'y a pas de tactique, ils n'ont pas d'automatisme. Et ça se voit carrément. Alors, quand on met des joueurs qui ne sont pas à leur place, bon, c'est une chose. Je ne comprends pas pourquoi ils ont mis Lukaku. Lukaku, chaque fois qu'il joue... contre une défense fermée, il ne fait jamais rien. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas un autre joueur à sa place? Qu'est-ce qu'on fait alors au prochain match? Donc pour la suite, vous mettez Lukaku sur le banc? Oui, tout à fait. Ok, à fait. Qui prend le poste? Je mettrai Batshuayi, moi, à sa place, hein. Ça c'est sûr. Comment vous l'avez trouvé, Hazard, hier? Hazard? Hazard, ça pouvait y aller, mais il faudrait un peu se calmer et dire que c'est des stars. C'est des bons joueurs, mais ce n'est pas des stars, hein. Faut arrêter. Hein. Parce que Hazard, bon, il n'a jamais débloqué un match, hein. Jamais, hein. Alors, hier soir, il n'y a personne qui l'a débloqué ce match, c'était tous ensemble. Honoré Othon, Jean-Claude Liège, on verra si la conversation s'impose. Je termine avec Isabella autour de la table. Est-ce qu'il y a maintenant médiatiquement une pression incroyable sur les Diables? Oui, et ça ne va vraiment pas être facile pour la suite. Je ne suis pas d'accord avec monsieur. Je pense que vraiment, même s'il y a des erreurs tactiques, même s'il y a eu des défaillances, le cœur, ils l'ont. La capacité, ils l'ont. Moi, j'y crois encore. C'est une belle équipe. Le pays a vraiment besoin de victoire. Et donc, voilà, ils ont en tout cas... Le pays est déçu. Je suis fan. Mais le pays est déçu. C'est normal qu'on soit déçu, mais il faut qu'on soit encore tous derrière eux. Qui payera le plus cher en cas de défaite ou de couac dans ce parcours? C'est Mark Wilmots qui sera la cible? Ah, c'est sûr que s'il passe pas le premier tour, ça va être difficile pour lui. Bon, les Diables Rouges ont perdu 0-2 hier contre l'Italie. Qu'est-ce qui s'est passé? Et est-ce que ça va être chaud pour la suite? À vous de vous prononcer. Dans un instant, deuxième débat sur la table. À Perouet, un refuge 5 étoiles de luxe pour les animaux. Est-ce que les chiens ont besoin de ça? Et comment ça se passe dans les autres refuges? Ensuite, est-ce que l'homophobie est une réalité dans la communauté musulmane après Orlando? Et 10h45, la question qui dérange. Dans 6 mois, il n'y aura plus de sacs plastiques à usage unique aux caisses des supermarchés de Wallonie. Eh ben alors, comment on va faire à la caisse? On prend tout dans sa main puisque c'est fini? C'est vous qui le dites, vous donne la parole. En direct. Au 070 233 466 par SMS 30 63 50 centimes par message. Votre déclaration en ligne, c'est beaucoup plus rapide parce que TaxonWeb en remplit automatiquement une grande partie. Juste un contrôle, un ajout ou une petite correction et c'est fini. Pas encore d'accès? Surfez vite sur taxonweb.be. Bonjour, pompe numéro 9 s'il vous plaît. Alors au total ça vous fera un maillot de cycliste, des sacoches et un vélo trek. Ah oui? Super! Faites un plein de 25 litres ou plus dans une station SO ou SO Express participante pour avoir la chance de gagner de fantastiques équipements cyclistes et des vélos. Rentrez le code indiqué sur votre ticket de caisse sur so.be/fr/cycling, soumis à conditions. Avec nous, l'euro est bleu, blanc, diable. Vivez l'UEFA Euro 2016 au plus proche de l'action. Portugal-Islande, à suivre en direct ce mardi soir sur la 2, Vivacité et sur rtbf.be/ovio. Enflammez le supporter qui est en vous. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. La conversation avec vous, en fonction de vos appels, un débat s'impose dans la deuxième partie. On commente avec Isabella Lenarduzzi, Forum Jump. Deuxième débat sur la table, à Perouet, un petit bijou dont on a posé la première pierre hier. C'est un nouveau refuge, un refuge 5 étoiles, 3000 animaux. Les chiens auront 12 mètres carrés, un espace chauffé à l'intérieur, un espace extérieur, une plaine de 1000 mètres carrés pour se détendre, des locaux sonorisés pour de la musicothérapie pour apaiser les chiens, et les chats, eux, auront du 2 mètres carrés. Est-ce que c'est trop de place? Pas assez de place, beaucoup mieux qu'ailleurs, moins bien qu'ailleurs. J'aurais d'abord, Isabella, votre sentiment général sur l'investissement qui est fait. Un refuge à 2,5 millions qui devient vraiment un pôle, un centre. C'est une grosse machine. Est-ce que ça vaut ça? À partir du moment où c'est financé par des dons privés, la question ne se pose pas. Si les personnes ont envie de donner à ce type de bâtisse pour sauver les animaux, ben voilà, c'est un choix. C'est tant mieux pour les animaux. On n'a pas l'habitude d'un tel volontarisme architectural ou volontarisme en termes de place, parce que les refuges, et c'est ce que disent les membres de l'ESBEL sans collier qui vont construire ce 5 étoiles, les refuges ont une mauvaise réputation. Oui, globalement, les refuges ont une mauvaise réputation parce qu'on sait qu'il y a pas mal d'euthanasie d'animaux, évidemment, parce que les conditions dans lesquelles ils vivent, mais elles sont décentes, ne sont pas luxueuses. Ici, c'est vraiment... l'ambition, en tout cas, est de faire quelque chose de vraiment prestigieux. Ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y a aucune peur du voisinage. Quand on veut mettre un centre pour réfugiés, il arrive régulièrement qu'il y ait des problèmes avec le voisinage qui n'en veut pas. Ici, personne n'a à redire, je suis ravie. Ce qui est une bonne nouvelle ou ce que vous déplorez? Non, moi je trouve que c'est très bien parce que c'est vrai que ce sont des êtres vivants et je pense qu'ils ont le droit à être traités dignement. J'aimerais bien qu'il y ait le même type de signe de générosité, de tolérance, d'accueil par rapport à des humains. Les conditions, alors j'en reviens aux animaux. Un chien aura 12 mètres carrés, espace chauffé intérieur, espace extérieur et une sonorisation telle qu'il y aura de la musicothérapie. Ça va un poil trop loin? Oui, sincèrement, tant mieux pour eux. À partir du moment où ce n'est pas l'État qui investit, où c'est vraiment la volonté des gens, 3500 membres quand même, 2,5 millions. Il y aura 3000 animaux de fonds récoltés. Oui, mais je veux dire, la SBL a 3500 membres, etc. C'est waouh, bravo, ils ont bien fait ça. Chapeau bas. C'est conçu comme un pôle à Perouet. On va demander un avis à Courcelles. Marie-Laure est en ligne. Bonjour. Oui, bonjour. Avant de vous prononcer sur ce refuge 5 étoiles, vous avez déjà vu des refuges pour animaux dans votre vie ? Oui, je suis allée à la SPA de Charleroi. Votre sentiment en sortant de la SPA de Charleroi ? Un sentiment très négatif, en fait, puisque c'est tout petit. Les animaux sont dans des espèces de cages très petites. Ils sont dans leurs excréments, ça sent très mauvais. Il y a beaucoup de bruit, puisque tous les chiens aboient. Donc c'est... Voilà, c'est vraiment un sentiment très négatif quand on y est. Les chiens que vous avez vus dans les excréments, c'est lié à l'architecture du bâtiment ou c'est lié au manque de soins ? Vous avez attribué ça à quoi ? Un peu les deux, en fait, puisque c'est vraiment tout petit. Les chiens n'ont pas la possibilité de sortir. Ils sont dans, je dirais, peut-être 2 mètres carrés. Donc forcément, ils n'ont pas trop le choix. Et je pense que le personnel fait vraiment tout ce qu'il peut. Mais voilà, ils ont je ne sais combien de chiens. Ils n'ont pas assez de bénévoles. Alors l'enjeu, c'est de comparer évidemment les refuges, puisqu'il y a un 5 étoiles qui ouvre à Perouet, 3000 animaux, 12 mètres carrés par chien, 2 mètres carrés pour les chats. C'est trop de place ? Pas assez de place ? C'est peut-être quand même trop de place. Trop ? Oui. Donc de 2 mètres carrés, on passe ici à 12 ? Oui, je pense que 12, c'est beaucoup. Mais 2, c'était pas assez en tout cas. Je pense qu'il faudrait trouver un juste milieu. Ah ben il est où le juste milieu alors pour les chiens ? Ah, là, vous m'en demandez beaucoup. Ok, donc c'est quelque part entre 12 et 2. Les chats, 2 mètres carrés. Et une sonorisation qui permettra de diffuser de la musique aux animaux. C'est trop ? C'est pas assez ? Non, ça je suis pour aussi. C'est important. Ils sont tout seuls. Oui. Dans le message, parce qu'il y a là un symbole particulièrement fier, dans le message, c'est important qu'il y ait un pôle, un refuge majeur, neuf, équipé, qui devient vraiment une usine 5 étoiles. Bien sûr, ce sont des êtres vivants également, ils ont des sentiments. Je ne vois pas pourquoi on devrait les laisser dans 2 mètres carrés, dans ce bruit. Non, ils ont aussi le droit, ils ont été abandonnés, ils n'ont rien fait de mal. Ils ont le droit à être bien, à être heureux dans un endroit de transition en attendant d'être adoptés. C'est le grand comparatif, évidemment, hein, entre le refuge que vous connaissez et ce 5 étoiles qui ouvre à Perouet. 3000 animaux, 12 mètres carrés par chien, 2 mètres carrés pour les chats. Sur le côté apaisant de la chose, Isabella, je termine autour de la table, on nous dit que ce centre-là va trancher avec les refuges très bruyants, où il y a une densité de population très forte. Mais ici, on parle quand même de 3000 animaux. 3000 animaux, on peut arriver à un centre apaisé avec ça ? C'est vraiment le grand défi. Moi, je n'ai pas la même expérience que madame par rapport au refuge. Moi, je vais chercher mes animaux chez Veveit parce que je trouve qu'un être vivant ne doit pas être acheté et donc je préfère le récupérer d'un abandon. Et je dois dire que j'ai toujours trouvé là d'abord beaucoup de propreté, beaucoup de respect pour les animaux avec une équipe extrêmement dévouée. Vous avez une idée de la taille des enclos à chiens ou des cages à chiens ? En tout cas, c'est certainement pour les chiens. Ils sont deux par enclos, si mes souvenirs sont bons, et c'est certainement beaucoup plus petit que 12 mètres carrés. Alors c'est vrai, c'est étonnant, 2 mètres carrés pour un chat, quand on sait qu'un chat a énormément besoin de bouger, de faire des exercices. Bon, peut-être qu'il y a, je sais pas, peut-être qu'il y a des jeux dans les 2 mètres carrés. C'est étonnant, le 12 mètres et le ils ont pour les chiens accès à une et 2 mètres collective. Pour les... Oui, peut-être, exactement, on ne sait pas tout. Donc, oui, dans les refuges, il y a toujours l'espace à chat, et puis il y a une zone collective où ils peuvent se mouvoir. C'est à vous de vous prononcer, mais en comparant avec des refuges existants que vous avez croisés et visités. Ce qu'on nous propose ici à Perouet, un refuge 5 étoiles, 3000 animaux, 12 mètres carrés par chien, de la musique, 2 mètres carrés pour le chat. C'est trop de place, pas assez de place, beaucoup mieux qu'ailleurs, moins bien qu'ailleurs, ce sera à vous de le dire. Dans un instant, troisième débat sur la table. 3 jours après les 50 morts d'Orlando, est-ce que l'homophobie est une réalité dans la communauté musulmane ? Là-bas et ici, chez nous. Et puis 10h45, la question qui dérange, nous sommes dans le décompte. Dans 6 mois, il n'y aura plus de sacs plastiques à usage unique aux caisses des supermarchés de Wallonie. C'est le 1er décembre 2016. Eh bien, question qui dérange, on fait quoi ? Est-ce qu'on a des alternatives ou on doit tout prendre dans sa main ? C'est vous qui le dites, qui vous donne la parole. En direct, au 070 233 466. Par SMS, 3063, 50 centimes par message. Viva, Viva City. Vivacité présente. Envie de vivre un chouette week-end en famille ou entre amis? Ouvrez les portes du temps et voyagez de la préhistoire au Moyen-Âge, du village olympique au village italien. Découvrez le marché marchand, l'auto-show, chiner, déguster, flâner, bouger, danser, Flémal en fête, les 18 et 19 juin dès 11h. Info flemal.be. Bonjour, c'est Romelu Lukaku. Michy Batshuayi, Christa Benteke, Thibaut Courtois, Jason Denayer, Jean-François Gilet, Jordan Lukaku, Divo Origi, Thomas Schumacher, Axel Witsel, c'est Marwan Fellaini. Comme Vivacité, je suis complètement foot. Sur Vivacité, vivez un euro. Bleu, blanc, diable. Avec la rédaction des sports et toute l'équipe de Complètement Foot. Pour moi, le match ne commence pas avec... Non, t'as raison. Et il ne commence pas non plus avec... Tout à fait d'accord. Il ne commence même pas avec... Quel merveilleux mouvement d'attaque en ce début. Non, pour moi, le match commence... avec mon Coca-Cola bien frais. Pour moi aussi. On ne devrait pas passer ses vacances à chercher du Wi-Fi. Alors chérie, aujourd'hui, je te propose de déjeuner à l'hôtel. D'accord. Et puis après, on peut aller se décourdir les jambes dans les couloirs de l'hôtel. Ah. Et puis prendre l'air sur la terrasse de la chambre de l'hôtel. Mm. Et alors l'après-midi, on part pour une petite visite des cuisines de l'hôtel. C'est super. Avec Orange, ne cherchez plus de Wi-Fi. Appel, SMS et surf en Europe au même prix qu'en Belgique. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions et activation sur orange.be. Promo valable jusqu'au 31 août inclus. Sony, la famille, c'est le plus important. Je sais. Je parle. Tu te rends compte du temps que tu passes devant notre télé à regarder tes comédies de gonzesses. Ma papa... Alors que ta mère et moi, on pourrait regarder un film sur la famille. Ma papa, la mama, ça fait 10 ans qu'elle est partie avec Tony. Avec Canal Play, profitez en illimité de films, de séries, de dessins animés pour toute la famille pour seulement 9,99€ par mois. Et le premier mois est gratuit. Abonnez-vous à Canal Play pour la première fois en Belgique sur vous.be. Canal Play est en exclusivité chez vous. Offre soumise à condition. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. Troisième débat sur la table, on commente avec Isabelle Alénard-Douzzi, Jump et vous bien sûr. Trois jours après les 50 morts d'Orlando, le pire attentat depuis le 11 septembre aux États-Unis. Cette question autour de l'homophobie réveillée donc par le tueur Omar Mateen qui met à la une trois questions. C'est celle de la radicalisation, celle des armes et de la détention d'armes aux États-Unis. Et puis la question de l'homophobie, car il était homophobe notoire, dit-on. Est-ce que l'homophobie est une réalité dans la communauté musulmane là-bas? Et ici. D'abord un mot, Isabella, sur le contexte. On s'est fort concentré sur l'homophobie des pays arabes avec des sanctions très fortes comme la peine de mort. Est-ce qu'on a suffisamment pris conscience de l'homophobie dans la communauté musulmane d'ici? Est-ce qu'on a suffisamment... À supposer qu'elle existe. Je fais les deux questions. Non, je pense qu'elle existe. Elle existe dans... Et c'est ça qui est important. Elle existe dans toutes les religions du livre. Regardez un peu ce que ça a créé comme débat en France, le mariage homosexuel. Comme si c'était, ça signait la fin de l'humanité. On a entendu des mots comme ça dans la bouche de gens vraiment intelligents, qui étaient députés, qui étaient des intellectuels. Donc c'est vrai pour les trois religions du livre. Par contre, ce qui est assez... malsain dans la communauté musulmane, c'est justement la façon de vivre sa religion, où il y a une espèce de retour comme si le Coran était un livre d'histoire et que c'est au-dessus des lois et que c'est au-dessus de l'évolution de la morale. Et ça, pour certains, il y a quand même une composante de la communauté musulmane où ça devient véritablement difficile. D'ailleurs, l'homosexualité dans les pays musulmans est attribuée de deux adjectifs, c'est chouma, la honte, haram, le péché. Et il ne faut pas oublier, 72 pays dans le monde punissent l'homosexualité, certains par la peine de mort, mais encore, même chez nous... Je prends les chiffres d'ici. Donc, d'après ces chiffres d'une étude ULB, 60% des Belges musulmans considèrent que l'homosexualité n'est jamais justifiée. Donc, ça veut dire que les musulmans d'ici n'évoluent pas sur cette question-là. Pourquoi ? Est-ce que c'est un manque d'évolution? Est-ce que c'est un retour en arrière à cause justement d'une certaine façon de vivre sa religion? Je pense que si nous, dans les pays de culture chrétienne, on a réussi à avancer sur la question, c'est parce qu'on a réussi la sécularisation, c'est-à-dire vraiment la distinction entre l'État, les lois et la religion qui maintenant relève du privé. Ce n'est pas parce que la religion catholique a évolué, pas du tout. C'est parce que nos pays ont évolué par rapport à la séparation sur la religion. Il y a ce constat qui est fait, c'est d'un conservatisme moral qui reste très important pour tout ce qui concerne la sexualité, alors que les musulmans évoluent sur la question du mariage et du divorce. Avec ces éléments-là, venez dans la conversation. Nous allons à Wemel, par exemple. Adèle, bonjour. Oui, bonjour Benjamin. 3 jours après les 50 morts d'Orlando, est-ce que l'homophobie est une réalité dans la communauté musulmane, oui ou non ? Non, pas du tout. Je ne pense pas qu'elle soit plus accentuée dans cette religion qu'une autre. Et j'entends Mme Labadouti faire une très très belle analyse, mais il y en a vraiment de constater qu'on regarde parfois avec des œillères cette religion, et puis finalement, vous savez, dans tous les pays où il n'y a pas moins d'homophobie qu'ailleurs. Je dois vous dire qu'il y a un quasi-consensus dans la presse ce matin hein, sur cette communauté musulmane, oui, ici et ailleurs, oui, qui est très hostile aux homosexuels. Il y a un quasi-consensus de tous les observateurs. Oui, peut-être, Benjamin, mais c'est parce qu'il y a un bashing, un musulman bashing pour l'instant. Bon, après les attentats, évidemment, on en a encore à prendre sur la patate. Les musulmans ont encore à supporter pour pas mal de temps des critiques, etc. Mais moi, je voudrais simplement dire qu'en fait, les musulmans, comme toutes les autres religions, sont contraints de respecter des lois. Et les lois sont faites pour tout un chacun, pour vous, pour moi, pour les athées, pour les laïcs, etc. Donc cet homme aux États-Unis qui est profondément dégoûté par deux homosexuels qu'il a vu s'embrasser à Miami, à tel point qu'il a fomenté ce qu'on sait, c'est l'histoire d'un homme, c'est pas l'histoire d'un contexte culturel ou d'une religion. Je ne pense pas, Benjamin, parce que je me dis, écoutez, moi je pense qu'il y a deux problèmes à ce niveau-là. Si ça avait été un bar uniquement avec des Afro-Américains, comment est-ce qu'on aurait interprété les choses ? Maintenant qu'il y a autre chose, moi ce que je dis, c'est qu'il y a des lois, et vous et moi devons respecter des lois. Mais on ne peut pas, on ne pourra jamais demander aux gens d'adhérer à des valeurs. Et les valeurs, c'est chacun pour soi. C'est ça le problème, c'est que même dans les constitutions, même dans les Nations Unies, on n'oblige pas les gens à avoir les mêmes valeurs. Ah ben sur les lois, Adèle, je rebondis là-dessus avec Isabella autour de la table. Sur les lois, effectivement, dans certains pays, l'homosexualité, c'est la peine de mort. Et c'est une loi qui le dit. C'est absolument. En mars, moi j'étais au Maroc en avril et il venait de se passer un épisode incroyable, c'est que deux homosexuels ont été attaqués par trois homophobes. Et qui est-ce qu'on a mis en prison ? Ce ne sont pas les homophobes, ce ne sont pas les agresseurs, ce sont les homosexuels qui, grâce à la pression populaire, parce qu'il y a un vrai courant dans tous les pays, y compris les pays musulmans, heureusement pour plus d'évolution, plus de tolérance par rapport à l'homosexualité, grâce à la pression populaire, ces gens n'ont fait que un mois de prison. Mais non seulement ils ont été agressés, mais en plus ils ont été montrés du doigt parce que c'était eux les déviants. C'est vraiment considéré comme une déviance. C'est non naturel. Alors c'est vrai, monsieur a raison. Les lois. Mais il faut aussi pouvoir faire en sorte que les gens entendent ça, que les gens acceptent que les lois sont au-dessus de leurs intolérances. Avez-vous connaissance de ce phénomène ? Et on en restera là. Donc on nous dit que les musulmans sont de plus en plus racistes des gays ou homophobes, mais qu'à l'inverse, les gays deviendraient islamophobes. C'est ce que dit Meraba, qui est une association pour musulmans LGBT ici en Belgique. Du coup, les homosexuels deviendraient islamophobes. Vous avez connaissance de ce phénomène ? Vous savez, quand dans certains quartiers, on est homosexuel et qu'on doit être extrêmement discret dans sa façon d'être, dans sa façon de s'habiller, dans le fait qu'on ne peut pas tenir la main de son amoureux ou de son amoureuse pour les femmes. C'est compliqué la discrétion, c'est compliqué de se cacher. À un moment donné, c'est triste, il ne faudrait pas arriver à ça. Mais si on est tout le temps houspillé, si on est victime du regard des autres, voire pire, je comprends qu'il y ait un rejet. Donc, il faut qu'on travaille là-dessus, dans nos villes à nous. Occupons-nous du reste du monde, mais travaillons d'abord sur nos villes à nous. Essayons d'accroître cette tolérance au respect de l'autre. Ah ben d'où la question, c'est bien là-bas et ici chez nous en Belgique. La question porte bien sur la Belgique ce matin. Je voudrais juste dire une chose, c'est que vraiment la liberté de l'orientation sexuelle, c'est la base de nos libertés à tous. À vous en tant qu'homme, à moi en tant que femme. C'est vraiment la base de tout, c'est vraiment la base de la démocratie et du respect de l'autre. Ce sont vos mots qu'on attend maintenant. Isabelle Alénard-Douzzi, bonne journée. C'est vous qui le dites au 070 233 466 et par SMS 3063. 50 centimes par message. Les Diables Rouges qui ont perdu 0-2 contre l'Italie, qu'est-ce qui s'est passé? Et est-ce que ça va être chaud pour la suite? À Perouet, on construit un refuge 5 étoiles, 12 mètres carrés par chien, de la musicothérapie, 2 mètres carrés pour les chats. C'est trop de place, pas assez de place comparé avec un refuge que vous connaissez. Et puis 3 jours après les 50 morts d'Orlando, est-ce que l'homophobie est une réalité dans la communauté musulmane? Là-bas et ici chez nous en Belgique. 070-233-466 par SMS au 3063. Quelle est la conversation que vous souhaitez? Zaventem nous appelle. Gérard, bonjour. Oui, bonjour Benjamin. Les Diables, qu'est-ce qui s'est passé hier soir? C'est du grand n'importe quoi avec un entraîneur qui est du grand n'importe quoi, c'est tout. Attendez, il y avait une fine analyse de l'Italie, il y a eu une préparation qui était minutieuse. Donc en détail maintenant, qu'est-ce qui était n'importe quoi hier? Je vais dire du n'importe quoi, c'est que Marc Wilmots est un excellent mentor, j'insiste bien sur mentor. Donc il a amené une nouvelle image dans l'équipe belge et ça c'est chapeau. De l'autre côté, tout ce qui est technique, Wilmots, à mon avis, il a été absent. Il a quand même été à Bordeaux, on l'a remercié. Il a été à Schalke, on l'a remercié. Alors quand on voit le match d'hier, c'est très simple. Lukaku cartonne à Everton en équipe nationale, n'a jamais rien fait. Il y a d'autres avant. Mais Hazard, c'est pareil. Si on oublie sa dernière saison un peu en demi-teinte, Hazard, c'est pareil. Il a toujours cartonné ailleurs, mais jamais en équipe nationale. Oui, d'accord, mais bon, Hazard, hier, quand on voit son match, il essaye quand même de faire quelque chose. De Bruyne, il est fatigué depuis longtemps, il est fatigué, il n'a rien amené de positif. Witzel, il y a eu un ancien Anderlecht du 10 qui dit clairement qu'il freine tout le jeu. Pourquoi hier, on ne descend pas Witzel directement, qu'on mette Dries Mertens qui amène quelque chose de positif? Et si on doit gagner, ça c'est quand même quelque chose de simple dans le football. Attendez, s'il avait fallu en sortir un hier, au terme de la première mi-temps, vous auriez sorti Hazard, vous auriez sorti De Bruyne ou Lukaku? J'aurais sorti, à mon avis, De Bruyne, ça c'est certain. J'aurais sorti éventuellement Lukaku aussi, ou bien laisser Lukaku et mettre un deuxième avant, comme on doit gagner, que c'est 0-1, on doit gagner. Oh, mais il y a cet argument qu'on a entendu hier, qu'on a entendu dans la bouche de Marc Wilmots, c'est que De Bruyne, on n'est jamais à l'abri d'une fulgurance. Donc laissons-le pour la fulgurance. Oui, je suis d'accord avec vous, Benjamin, mais quand on sort N'Golan qui joue en Italie, qui connaît le football italien, le garçon, il a pris une claque sur le moral hier, parce que N'Golan se bat. Mais Witzel, à mon avis, Witzel, il est rivé sur le terrain, on ne peut pas le descendre. Je pense qu'à mon avis, Wilmots, il descend Witzel, je pense qu'il se fait engueuler quelque part, parce que Witzel freine tout ce jeu. Est-ce que ça va être chaud pour la suite? Donc, sous-entendu, on a déjà une pression énorme, il faut gagner les deux prochains, et ça sent mauvais. Est-ce que ça va être chaud pour la suite? Simplement, je pense que le service de nettoyage peut déjà prévoir pour l'hôtel mardi prochain que les Belges vont rentrer. C'est une prédiction. Oui, je vous écoute jusqu'au bout. Mais c'est pas avec cette équipe-là qu'on a la possibilité de faire quelque chose. On a eu 3 matchs amicaux, on s'est dit c'est des matchs de préparation. Mais avec la Norvège, on n'a rien donné. La Finlande, on n'a rien donné. Hier, on tombe sur l'Italie. Je ne sais pas si vous avez vu l'Irlande hier après-midi. L'Irlande, ça joue au football, c'est autre chose. Hein. Ah ben Irlande-Suède, ça fait jamais qu'un 1-1-1. Donc mathématiquement, c'est bon pour les Diables. Il n'y a pas encore le feu mathématique, mais peut-être le feu au moral. Votre prédiction est lourde de sens. Le service nettoyage à Bordeaux peut déjà se préparer. RTBF Mobile Info maintenant, Stéphane. Et le service nettoyage est en cours sur le 42 qui relie Namur à Mons, où un accident s'est produit hier soir à hauteur de Gosly, un accident impliquant 2 camions, et donc ça prend du temps avant que le dépannage ne soit complètement terminé. C'est toujours très compliqué puisque ces 2 camions sont situés sur les voies centrales et de droite, et on relève actuellement encore des fils depuis Sambreville sur 10 km. 50 minutes à ajouter à votre temps de parcours en direction de Mons. On vous conseille d'éviter le secteur car il y a de gros embarras de circulation, et également sur les nationales, notamment sur la Nationale 29 entre Saint-Amand et Lambussin, ainsi que sur la Nationale 90 entre Quemé et Moignelet. Dans la province de Liège, un accident impliquant plusieurs véhicules sur l'E42 Prume-Bâtisse à hauteur de Teux. Les voies centrales et de droite sont neutralisées en direction de Bâtisse. Pour rejoindre Bruxelles, ça se passe bien sur l'ensemble des axes. Vous perdez moins de 10 minutes, à l'exception de la 12 qui vient d'Anvers pour rejoindre Bruxelles. Sur le Ring, c'est toujours embouteillé, principalement en circulation extérieure entre Waterloo et Léonard en direction de Zaventem. Il s'agit des travaux à Willaert où vous perdez toujours plus de 30 minutes à l'heure actuelle. Et en circulation intérieure, c'est entre Halle et Forêt que vous êtes ralenti en direction de Grand Bigard à cause de ces travaux à Anderlecht. Ajoutez là aussi une demi-heure. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Dans un instant, nous irons à Namur et Pierre viendra nous dire si l'homophobie est une réalité dans la communauté musulmane. Il nous dira aussi comment il croise des musulmans homos. Avec nous, l'euro est bleu, blanc, diable. Pour suivre en direct et en exclusivité tous les matchs de l'UEFA Euro 2016, rendez-vous en télé sur la 1 et la 2, en radio sur Vivacité et sur le web sur rtbf.be/ovio et rtbf.be/sport. Enflammez le supporter qui est en vous. Dis de force, où est l'Emmens? J'ai ici un message pour tous les profs peau de vache. Messieurs les professeurs, ne cotez pas les jeunes trop durement, alto basse cote des cocoteurs. Dis, ces histoires de cote, ça me donne envie d'Andalouse et de cote à l'os. Oui. L'Andalouse préférée des cocoteurs, la voilà. De force l'Emmens, à table. Claire était bizarre. Elle ne pouvait plus tenir sa tasse. Des difficultés à parler, sa bouche était déformée. Elle ne pouvait plus bouger son bras ni sa jambe. Lors de mon AVC, chaque minute a compté. Si un de ces signes apparaît, agissez. Appelez sans délai votre médecin traitant ou le 112. Découvrez d'autres témoignages sur délaiavc.eu avec le soutien de la Wallonie et de la COCOF. Vivacité et la Une présente les Belgian Air Force Days. Les 25 et 26 juin, pour les 70 ans de la force aérienne, le deuxième Wing Tactique de Florennes vous ouvre ses portes. Patrouille acrobatique, avions d'hier et d'aujourd'hui, hélicoptère, exposition, animation. Info belgianairforcedays.be. Avec l'avenir et Canal C. Hey Terence, ouais. Tu promets de pas le prendre mal. Et toujours. Bon, vous, les Angry Birds, je crois que j'ai quelque chose qui va vous redonner le sourire. C'est ça, rêve tout. En ce moment, il y a une prime de reprise exceptionnelle et jusqu'à 50% offert sur les options du Citroën Berlingo avec son coffre extra large et sa caméra de recul. Ouais. Les Angry Birds retrouvent leur bonne humeur grâce aux offres Citroën. Profitez-en pendant les journées portes ouvertes Citroën du 13 au 18 juin. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. Angry Birds, le film uniquement au cinéma. Pour un barbecue réussi, il faut une brochette d'amis. Et notre savoureux colis barbecue de 4 kg à seulement 24,99€. Détail de l'offre en magasin. Intermarché, votre expert en barbecue. Ouvert les dimanches et jours fériés. Horaire en magasin. Et au 070-233-466 sur la table, Marion, à Perouet, on construit un refuge 5 étoiles, 12 mètres carrés par chien, de la musique, 2 mètres carrés par chat. C'est trop de place, pas assez de place, comparé avec un refuge que vous connaissez. À ce propos. Et à ce propos, pour Paul de Mont-sur-Marchienne, ce n'est pas trop de place. Paul a été bénévole pendant 5 ans dans un refuge pour animaux dans la région de Charleroi. Alors, il n'a pas voulu dire le nom, il n'a pas voulu citer lequel, tellement il a honte de la situation des animaux dans ce refuge. Paul n'a pas hésité à parler de Guantanamo pour animaux. Il explique que les chiens n'avaient pas plus de 2 mètres carrés de cage et qu'ils ne sortaient jamais. Résultat, ils sont très stressés et agressifs et personne ne veut les adopter parce qu'en fait, quand les gens viennent les voir, eh bien, ils ont tout simplement peur de ces chiens qui ont l'air un peu fous. Alors pour Paul, avoir de l'espace dans les cages des chiens, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Et si la musicothérapie peut aider les animaux à se déstresser, alors Paul dit oui, il est pour et il félicite d'ailleurs cette association. Namur est en ligne. Pierre, bonjour. Oui, bonjour. Et 3 jours après les 50 morts d'Orlando, vous souhaitez aller plus loin sur l'homophobie, réalité ou pas dans la communauté musulmane, là-bas et ici. On croise de temps en temps ici, Pierre, dans la communauté homo des musulmans ou jamais? Oui, quand même, assez souvent. Je veux dire, discuter avec beaucoup de musulmans qui se disent hétéros sur les sites de rencontres et qui de temps en temps, ou même de manière ponctuelle, cherche des hommes avec qui passer de bons moments. Voilà. Et vous leur avez déjà soumis cette contradiction entre ce qu'on croit savoir, les musulmans ne sont pas homo, et la réalité de terrain que vous voyez, vous leur avez déjà soumis cette contradiction? Oui, parce que moi, du moment où... Moi, je pars du principe que si on a une relation avec un homme, avec quelqu'un du même sexe, à un moment, on n'est plus hétéro, soit on est bisexuel ou alors on est homosexuel. À un moment, il faut faire la part des choses. Après, je ne juge absolument pas... Mais ça veut dire quoi? Que vous devez les convaincre qu'ils sont bisexuels ou homosexuels parce qu'ils ne l'assument pas? Ah non, c'est ça que ça veut dire? Non, non, mais ils ne s'assument pas, en fait. Et après, ça joue les choquer parce que ça voit deux hommes s'embrasser dans la rue. Et c'est ça que je ne comprends pas, en fait. Moi, qu'ils aillent voir des hommes de manière régulière, ça ne me pose aucun souci, chacun fait ce qu'il veut, mais alors qu'ils s'assument. Mais... J'ai des amis musulmans qui ont dû quitter leur pays pour vivre leur homosexualité ici, en Europe, et plus précisément en Belgique, parce que là-bas, ils étaient en danger. Vous noterez, Pierre, que ce n'est pas la même chose. Donc, à la question, est-ce que vous connaissez des musulmans homosexuels qui ont du mal à assumer, la réponse est oui, mais est-ce que vous connaissez des musulmans qui sont clairement homophobes ? Avoir du mal à assumer et être homophobe, c'est pas la même chose. Mais c'est parce que l'homophobie, c'est pas une peur de l'autre, c'est une peur de sa propre homosexualité. Pour moi, c'est ça, en fait. Et à ce moment-là, vous avez pour eux un mot rassurant ? Quand vous êtes en contact avec l'un ou l'autre, vous avez le mot rassurant ? Ou vous laissez cette question religieuse de côté ? Pour moi, voilà, moi, du moment où on est homophobe, je trouve que voilà, l'homophobie ne devrait pas exister. Et pour moi, j'ai aucune pitié pour ces gens. J'ai aucune pitié pour la personne qui a tué les homosexuels au Rolando et qui s'est fait abattre après. Ah, c'était un homophobe notoire, et puis on fait le cheminement jusqu'en Belgique où on découvre via des chiffres de l'ULB que 60% des Belges musulmans estiment que l'homosexualité n'est jamais justifiée. Ça dit une forme de crainte en tout cas. Pierre, vous êtes à Namur, on verra si on peut aller plus loin dans la conversation tout à l'heure. La Hulpe maintenant nous appelle. Christian, bonjour. Bonjour Benjamin. À Peroué, on construit un refuge 5 étoiles, 12 mètres carrés par chien, de la musique, 2 mètres carrés pour les chats. Avant de nous dire si c'est bien, comparez avec un autre refuge que vous connaissez. Lequel avez-vous vu ? Moi, le seul que j'ai vu, c'était Saint-Collier à Chartres. Donc le vieux, puisque c'est Saint-Collier qui construit ici à nouveau. Le vieux, il vers Jean-Vlou. Le vieux, il ressemblait à quoi ? Ben, une vieille ferme, et disons que ça ne sera pas le luxe comme à Torambay, donc. Vieille ferme, dans quel état étaient hébergés les chiens ? Ben, c'était propre, mais sans plus. Vous avez une idée de la place qu'on leur donnait ? Non, c'était assez restreint, quoi. Ici, c'est 12 mètres carrés par chien. 12 mètres carrés, confirmez-moi le calcul, c'est 4 mètres sur 3. C'est beaucoup trop ? Non, c'est juste, mais c'est trop peu pour les chats. 2 mètres carrés, c'est trop peu ? Trop peu, oui. Et si c'est 2 mètres carrés plus un espace collectif ? Ça pourrait être agréable pour les chats, quoi. Est-ce que les animaux ont besoin d'un espace pareil ? Est-ce que les animaux ont besoin d'un refuge où on a travaillé le son pour leur diffuser de la musique ? Est-ce que les animaux ont besoin de ça ? Peut-être qu'ils en ont besoin, mais disons qu'on pourrait peut-être, c'est peut-être une expérience pilote pour voir la réactivité des animaux aussi. 2,5 millions pour un refuge, vous vous dites quoi ? Ben, disons que pour beaucoup de personnes dans le besoin en Belgique, c'est choquant, mais il faut retenir que Saint-Collier a eu, il y a quelques années, un don assez luxueux. Je pense qu'il était proche d'un million d'euros. Et donc, de ce principe-là, ils ont essayé de faire profiter les animaux, étant donné qu'il y a de plus en plus d'animaux abandonnés ou mal nourris. Ah, tout a été fait avec des fonds privés, même s'il y avait une forte mobilisation politique autour de l'inauguration et de la première pièce. Pierre, budget de la construction, 2,5 millions assuré en totalité grâce au soutien de donateurs privés. C'est de l'investissement le plus important jamais réalisé dans le cadre de la construction d'un refuge pour chiens et chats en Belgique. Ouverture fin 2017. On verra si on peut aller plus loin dans le commentaire sur l'architecture et sur la place donnée aux animaux dans les refuges dans la deuxième partie. Dans l'immédiat, une nouvelle pause. Et puis à Couvain, Nikita viendra nous dire ce qui s'est passé hier avec les Diables Rouges. 0-2 au match d'ouverture de l'Euro. Luminus soutient votre énergie pour les Diables Rouges. Encouragez-les via le hashtag 12e Diable. Luminus, à votre service. Les études montrent que pour être convaincant, un spot radio automobile doit répéter la marque 6 fois. Sauf pour Audi. Il suffit de rappeler que pendant les Audi Days, les conditions sont exceptionnelles. Comme sur l'Audi Q3 Spring Edition avec plus de 4 300 € d'avantage. Audi Days, c'est maintenant et jusqu'au 30 juin. Infos et conditions sur audi.be. UEFA Euro 2016. Vivez tous les matchs en direct sur Vivacité. Ce mardi, Autriche, Hongrie et Portugal-Islande. But après but avec la rédaction des sports. Et dès 20h, en direct de Saint-Étienne avec l'équipe de Complètement Foot, Vivacité vous fait vivre un euro bleu, blanc, diable. Avec voyage-sncf.com et l'Office du tourisme de Saint-Étienne Métropole. Envie de vibrer, envie de fou rire, envie d'info, envie de partager. Envie de rêver, envie de découverte. Où, quand et comme vous voulez. Rendez-vous sur rtbf.be/ovio. A-U-V-I-O. RTBF Ovio, libérez vos envies. Vous aussi, vous appréciez de souffler en fin de journée ? Exactement, et on va vous offrir des cadeaux. Un peu d'actu et beaucoup de bonne humeur. Avec des bons conseils, l'occasion. Le 5 à 7 de Vivacité, ma pause. Ah, vent de rentrée. Avec Cyril. 0,70-233-466 sur la table, Marion. Trois jours après les 50 morts d'Orlando, est-ce que l'homophobie est une réalité dans la communauté musulmane, là-bas et ici en Belgique, à ce propos? Et à ce propos, Stéphanie d'Anderlecht le confirme, l'homophobie est une réalité dans la communauté musulmane. Stéphanie est transsexuelle et souvent victime d'agressions de la part de personnes de confession musulmane. Alors elle s'est déjà fait bousculer, frapper, traiter de sale travelot, à tel point que Stéphanie n'ose plus se promener dans certains quartiers de Bruxelles, ni même prendre le métro. Elle explique aussi qu'elle n'est pas un cas isolé à Bruxelles. Sa meilleure amie, qui est lesbienne et d'apparence fort masculine, est elle aussi souvent victime d'agressions. Et vraiment, ces agressions sont faites contre elle parce qu'elle est justement lesbienne, parce qu'elle est homosexuelle. Couvain en ligne, Nikita, bonjour. Bonjour Benjamin. Vous avez regardé le match des Diables Rouges où hier soir? Tout simplement dans mon salon avec un ami. Alors, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? 0-2 et une première mi-temps en mode slow tempo. Voilà, ben je pense que surclassé par l'équipe italienne est toujours là au grand rendez-vous. J'entends tout le monde qui critique déjà M. Wilmot. Regardez ce qu'il a fait jusque-là, bravo homme. Nikita, j'entends bien, les Italiens sont toujours là, mais on avait cette fois une force de frappe, on avait les talents individuels, on avait une équipe préparée, on avait une équipe qui était beaucoup plus à maturité qu'au Brésil. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Italie n'explique pas tout. Il n'y a pas eu un couac chez les Belges hier? Ben, je pense que certains joueurs ne sont pas à leur place et ne sont pas à leur niveau, tout simplement. Mais ce n'est pas Wilmots qui mouille son maillot, c'est le joueur. Et j'ai entendu dans votre... C'est pas Wilmots qui met De Bruyne à droite alors qu'il dit partout « je préfère être dans l'axe central » ? Si, mais vous savez, on est à la disposition de l'équipe. On n'a pas à avoir sa place de star. On n'est pas des stars au football. J'ai été joueur de football moi-même. Si l'entraîneur te dit aujourd'hui tu joues là, ben tu fais... Bon, oui, monsieur l'entraîneur, et je joue là, et je joue pour mon équipe. Oui, mais Courtois, il n'est pas content de ça. Hein. Courtois, il le dit très clairement. Il dit on va chipoter sur la défense pour le premier but, mais il n'y avait pas un problème défense. Il y avait un problème milieu de jeu. Une bonne discussion s'impose et il faut la discussion, dit Courtois. Absolument, et il a raison. Il y avait trop de trous entre les lignes, et les Italiens se sont un petit peu promenés quand même. Hein. Ils vont beaucoup plus vite. Ils se sont promenés. La vitesse. Le problème, c'est la vitesse. Ah ben c'est humiliant pour les Diables, ça, si les Italiens se sont promenés. Oui, mais c'est la vérité. Il faut rester réaliste, il faut voir les choses en face. Maintenant, certains ont vraiment... j'entends Eden Hazard, il a fait ce qu'il a pu, le garçon. J'ai entendu qu'on a parlé de Vertonghen, il a fait une erreur. Mais il s'est racheté, il est revenu, il s'est arraché, il a pris le ballon. Est-ce que ça va être chaud pour la suite? Donc la suite, c'est déjà samedi. Mais ils sont pas encore dehors. Hein. Allons-y doucement, ils sont pas encore dehors. Ah, pour Gérard, ils sont dehors. Hein. Gérard Zaventem les voit partir. Quand j'ai regardé Zlatan Ibrahimovic hier, qu'est-ce qu'il a fait? Une action, ça a amené un but. Il a fait une action, le reste du match, il était inexistant. Ah, il n'a pas fait grand-chose. C'est clair qu'il n'a pas eu l'espace nécessaire hier. 1-1, Irlande-Suède. Et le prochain, pour nous, c'est l'Irlande et puis la Suède, bien sûr. Nikita, ce n'est pas encore foutu, avez-vous dit? Vous n'êtes pas d'accord avec Gérard? Allons à Scarbec maintenant. Karim, bonjour. Oui, bonjour, Benjamin. Trois jours après les 50 morts d'Orlando, est-ce que l'homophobie est une réalité dans la communauté musulmane, oui ou non? Non, ce n'est pas une réalité dans la communauté musulmane. Simplement, si j'ai téléphoné, j'ai entendu quelqu'un qui parlait avant et qui disait « j'ai des amis musulmans et qui sont pour les hommes ». Et c'est là que j'ai sauté sur mon téléphone pour dire « il fait un amalgame entre un musulman et un arabe ». Alors c'est Pierre qui a dit « je suis parfois en contact avec des gens, peu importe, qui sont sans doute de religion musulmane et qui ont du mal à assumer ». Non, il n'y a pas de musulmans homosexuels. Il y a des arabes homosexuels, parce que la religion islamique, c'est une religion universelle, et l'arabe, c'est une race. Vous avez des arabes qui sont musulmans, vous avez des français qui sont musulmans, des chinois qui sont musulmans. Un arabe qui ne suit pas les prescripts de l'islam, ce n'est pas un musulman, il reste un arabe. Donc, je comprends bien. Donc, si j'ai devant moi un Marocain musulman, il ne peut pas être homosexuel, c'est impossible. Impossible, impossible. Impossible. Parce que, monsieur Benjamin, et pourquoi? Pourquoi? C'est de l'homophobie? Non, un musulman, il prie 5 fois par jour, il fait le ramadan, il fait le monde, il croit en Dieu, il a la foi, il va tout aller au hajj. C'est impensable. Ah ben attendez, pourquoi c'est impensable? Il y a des chrétiens pratiquants qui sont homosexuels. Je regrette, je regrette. monsieur Benjamin, ne comparez pas l'islam avec le christianisme. Attendez, alors je refais. Donc si j'ai devant moi un Français musulman, donc le Marocain, vous m'avez dit, j'ai devant moi un Français musulman, il peut être homosexuel ? Non, les Français qui se convertissent. Un Belge musulman. Un Belge qui se convertisse à l'islam, monsieur Benjamin, il est clean, il n'est pas homosexuel, je regrette. Ah, donc vous me dites que c'est pas possible. C'est une forme de réponse, j'imagine, à la question. Est-ce que l'homophobie est une réalité dans la communauté musulmane ? Non, me dites-vous. Nous verrons quelle est la conversation qui s'impose juste après les infos. Le Festival Vacances Théâtre de Stavelot est de retour avec un programme exceptionnel. 22 spectacles avec Anne Roumanoff, Pierre Kroll, Alex Vizorek, un hommage à Pierre Rapsat. Humour, théâtre, musique, spectacle de rue, les 51e VTS reviennent dans le cadre enchanteur de l'abbaye de Stavelot du 30 juin au 10 juillet. Infoweb festival-vts.net avec Vivacité. Vivacité et les Diables Rouges présentent Allez les Diables avec Bruno Mars, Renaud, Black Eyed Peas, Queen, Puggy, Dimitri Vegas, Avicii, 40 titres indispensables pour faire la fête. Allez les Diables, la compilation officielle des Diables Rouges, en vente partout et sur la boutique RTBF. Vous écoutez Viva, il est 10h. C'est le temps de l'info. Nathalie Servet, bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. C'est un accident entre deux camions cette nuit qui est à l'origine des files très importantes ce matin sur l'E42 vers Mons à hauteur d'Épigny. L'accident s'est produit peu avant minuit. Un camion semi-remorque français en panne stationné sur la bande d'arrêt d'urgence. Il transportait des palettes de boissons gazeuses. Il a été tamponné à l'arrière par un camion allemand qui transportait lui des pièces automobiles. Sous le choc, une partie du chargement du semi-remorque s'est déversée sur l'autoroute. Les deux chauffeurs ont également été blessés. De nombreux Belges ont une consommation d'alcool problématique, c'est-à-dire qui peut entraîner des problèmes de santé. C'est ce qui ressort d'une enquête mondiale. Selon cette enquête, 21,7% des hommes belges ont un score de plus de 16 sur 20 en ce qui concerne le risque accru de problèmes liés à l'alcool, contre 13,5% pour la moyenne mondiale. Les femmes belges dépassent également la moyenne des Belges qui, en plus, sont peu nombreux à vouloir diminuer leur consommation ou à demander de l'aide. C'est un acte incontestablement terroriste. Voilà comment François Hollande a qualifié l'assassinat d'un couple de policiers cette nuit à leur domicile de Magnanville en région parisienne. L'auteur de ce double assassinat a déjà été condamné pour participation à l'acheminement de djihadistes en Syrie. Il a été abattu par la police. Des perquisitions étaient en cours ce matin à son domicile. Son acte a été revendiqué par le groupe terroriste État islamique. Une attaque qui intervient 48 heures après la fusillade à Orlando en Floride. Ce matin, on apprend que l'auteur du massacre fréquentait le club gay où il a commis les faits. Il s'y serait même fait remarquer à plusieurs reprises par son agressivité liée à une consommation excessive d'alcool. Autre témoignage troublant, celui d'un ancien élève de sa promotion à l'Académie de police qui assurait que Marmatine lui avait fait des avances. Ces témoignages pourraient relativiser la thèse de la radicalisation du tireur privilégié jusqu'ici. Ici. Pour rappel, la fusillade d'Orlando a fait 49 morts et 53 blessés. Un rassemblement est organisé ce soir à Bruxelles, à la Bourse, pour en rendre hommage aux victimes. Retour à Bordeaux pour les Diables Rouges après leur défaite contre l'Italie hier soir. Les Diables se retrouvent à 16h pour un entraînement. Leur prochain match est prévu samedi, ça sera contre l'Irlande. Aujourd'hui, deux autres matchs sont au programme dans le groupe F cette fois. Autriche-Hongrie à 18h et Portugal Islande à 21h. Côté météo, le temps sera variable à très nuageux avec des averses et éventuellement quelques orages cet après-midi. Des éclaircies sont également attendues à la côte et dans l'ouest du pays. Les maxima seront compris entre 15 degrés et 19 degrés. Les averses diminueront en cours de journée. Le temps sera sec dans la plupart des régions cette nuit. On fait tout de suite un point RTBF Mobile Info. Et on souhaite beaucoup de courage à tous les auditeurs qui sont sur le 42 entre Namur et Mons, à hauteur de Gosselies. Vous l'avez dit dans les informations, un accident s'est produit hier soir et cela implique un dépannage de longue durée. Et donc il y a des files depuis Sambreville puisque les bandes de droite et centrale sont toujours obstruées. Des files sur 10 km et c'est une heure de plus à notre écoute en direction de Mons. Et il y a également de gros embarras de circulation sur la nationale 29 entre Saint-Amand et Lambussard. Prenons la direction de la province de Liège où un accident impliquant plusieurs véhicules s'est produit sur le 42 Prume Bâtisse à hauteur de Teux. Les voies centrales et de droite sont neutralisées en direction de Bâtisse. Le chantier de Cherat sur le 40 Aix-la-Chapelle Bruxelles vous ralentit entre Bleuny et Herstal en direction de Bruxelles sur 4,5 km. Pour rejoindre la capitale, vous perdez moins de 10 minutes à l'heure actuelle sur l'ensemble des tronçons qui convergent vers Bruxelles. Par contre, sur le ring, la circulation est toujours difficile pour la circulation intérieure. Ajoutez une demi-heure entre Waterloo et Léonard vers Zaventem en raison des travaux à Ullart. Et pour la circulation intérieure du ring de Bruxelles, c'est entre Halle et Forêt que vous êtes ralenti en direction de Grand Bigard. En cause, le chantier situé à Anderlecht. Ajoutez donc 20 minutes. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et tout de suite, c'est vous qui le dites avec Benjamin Maréchal. Et si vous nous regardez sur la une télé, Nathalie Servet a une pointe de rouge sur son chemisier. Voilà, c'est dans le ton pour être raccord avec la soirée d'hier. Voici la deuxième partie. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. Et à 10h45, notre rendez-vous avec la question qui dérange. Nous sommes donc dans le décompte. Dans 6 mois, il n'y aura plus de sacs plastiques à usage unique aux caisses des supermarchés de Wallonie. Le 1er décembre 2016. Eh bien, la question qui dérange est la suivante. On fait quoi? Est-ce qu'ils ont des alternatives? Où on prend tout dans sa main, car on se dirige donc vers ce 1er décembre 2016. Bye bye les sacs à la caisse, et tous les autres sacs plastiques, eux, seront interdits au 1er mars 2017. On est donc, vous l'aurez compris, dans une dernière ligne droite, mais, quelle alternative? On a l'impression qu'elle n'est pas encore arrivée, à moins que ce ne soit vos mains pour tenir la marchandise. Mélanie Joris, vous cherchez le bon interlocuteur dans ce dossier. À ce stade, avez-vous une piste? Oui, nous irons voir, on va tenter d'aller voir du côté des fédérations de la grande distribution. Nous essayerons de voir si les grandes surfaces sont prêtes à mettre en place des alternatives aux sacs en plastique. Vous avez un avis sur les sacs plastiques, sur leur disparition, leur utilisation? Vous êtes commerçant, vous-même essayez déjà d'influencer la conversation de tout à l'heure en laissant votre commentaire à Marion au standard. Et ce commentaire de Eric de Malmédie. Il a une petite épicerie et il utilise encore les sacs plastiques qu'il donne à ses clients. Alors Eric s'est renseigné pour des alternatives et il explique que les sacs en papier, voire même les sacs plastiques biodégradables, eh bien, ils sont bien beaucoup plus chers que le simple sac plastique. Alors Eric va être obligé de répercuter ce coût sur les produits qu'il vend ou même faire payer 5 cents le sac à chaque client. Alors il pense qu'il ne sera pas le seul commerçant à prendre cette décision et c'est donc la remarque qu'il souhaiterait que vous fassiez, Benjamin, la répercussion du coût des nouveaux sacs sur les consommateurs. Le décompte, donc, dans 6 mois, il n'y aura plus de sacs plastiques à usage unique aux caisses des supermarchés de Wallonie, 1er décembre 2016. On fait quoi? Est-ce qu'ils ont des alternatives ou on prend tout dans sa main? Rendez-vous à 10h45. À 9h, il y avait 3 débats sur la table. Les Diables Rouges, qui ont perdu 0-2 contre l'Italie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et est-ce que ça va être chaud pour la suite? Ensuite, à Perouet, on construit un refuge 5 étoiles, 12 mètres carrés par chien, de la musicothérapie pour les chiens, 2 mètres carrés pour les chats. C'est trop de place, pas assez de place, comparé avec un refuge que vous connaissez. Et puis, 3 jours après les 50 morts d'Orlando, est-ce que l'homophobie est une réalité dans la communauté musulmane? Là-bas et ici, chez nous. 3 débats, Marion 070-233-466. Et vous avez choisi d'aller plus loin dans le débat sur la défaite des Diables Rouges hier. Ils ont perdu 0-2 contre l'Italie. Alors qu'est-ce qui s'est passé et est-ce que ça va être chaud pour la suite? C'est la question qu'on vous pose ce matin dans C'est vous qui le dites. Hier, on attendait ce 1er match des Diables Rouges. Eh bien, on l'a eu. But italien à la 32e, but italien à la 90e minute dans les arrêts de jeu. Les unes de la presse écrite francophone sont sévères ce matin. Piégé, d'après Sud Presse. La gifle italienne, dit La Libre. Les Diables loupent leur entrée dans l'avenir. Ça commence mal pour la DH ou encore déjà sous pression pour le journal Le Soir, qui voit dans le match d'hier une rencontre qui s'est disputée en mode match amical. C'est dire comme le rythme était élevé. Un premier but encaissé à cause d'une longue passe de Bonucci, le genre qu'on voit dans les matchs de jeunes le samedi matin, dit le journal Le Soir. Hier, la Belgique a pris une leçon tactique, la défense italienne en bloc, le fameux Lukaku. C'est difficile de jouer contre une équipe à 10 derrière, affirmé Mark Wilmots, l'entraîneur qui n'arrive pas à expliquer l'absence de De Bruyne. Je ne sais pas ce qui est arrivé au gamin. Il était peut-être fatigué après une saison harassante, alors que Thibaut Courtois, lui, va beaucoup plus franco. Difficile, difficile quand autant de joueurs ne sont pas à leur niveau habituel. Et il y avait un problème au milieu et non pas en défense. À ce propos, voilà ce qu'on a entendu tout à l'heure. Ben c'est du grand n'importe quoi avec un entraîneur qui est du grand n'importe quoi. Mark Wilmots est un excellent mentor, j'insiste bien sur mentor. Donc il a amené une nouvelle image dans l'équipe belge et ça c'est chapeau. De l'autre côté, tout ce qui est technique, Wilmots, à mon avis, il a été absent. Il a quand même été à Bordeaux, on l'a remercié. Il a été à Schalke, on l'a remercié. Alors quand on voit le match d'hier, c'est très simple. Lukaku cartonne à Everton, mais en équipe nationale, n'a jamais rien fait. De Bruyne, il est fatigué depuis longtemps. Il est fatigué, il n'a rien amené de positif. Quand on sort N'Golan, qui joue en Italie, qui connaît le football italien, le garçon, il a pris une claque sur le moral hier, parce que N'Golan se bat. Mais Witzel, à mon avis, Witzel, il est rivé sur le terrain. On ne peut pas le descendre. Ah, c'est une analyse parmi d'autres. On a deux questions ce matin puisque vous souhaitez cette conversation. Hier, qu'est-ce qui s'est passé et est-ce que ça va être chaud pour la suite? Ou que faut-il absolument changer? Ou que faut-il dire à Mark Wilmots? Nous sommes donc pratiquement à la veille de ce match contre l'Irlande. La prochaine étape, c'est l'Irlande et puis la Suède. Nous sommes déjà quasi obligés de gagner, si pas sur le plan mathématique, en tout cas sur le plan du rendement et du résultat. 0-70-233-466 par SMS au 30-63. Et dans un instant, à Ecosine, Serge viendra débriefer non pas les Diables Rouges, mais Mark Wilmots. C'est vous qui le dites. Chez Decathlon et sur decathlon.be, il y a tout ce qu'il faut pour faire du sport en vacances. Idéal pour tous ceux qui sont du genre « Allez, prends ton nouveau masque, on va voir les poissons !» Mais aussi pour tous les « Et les gars, il y a des belles vagues ! Sors la planche !» Pour eux et tous les autres sportifs, maintenant, le sport est plus facile. Decathlon, à fond la forme. Papa, tu sais que l'ADEPS a 60 ans. Ah oui? Belle preuve d'expérience. Je me rappelle mon premier stage ADEPS. J'avais 8 ans. C'était du tennis, en internat, à Spa. Alors, tu m'inscris? Avec l'ADEPS, le sport, c'est à tout âge. Info et inscription sur adeps.be ou au 02 413 25 00. Avec vivacité et l'avenir. Pour profiter pleinement de votre été en Wallonie, ce mardi 14 juin, à l'achat du journal L'Avenir, recevez gratuitement votre guide touristique de 108 pages sur les sites et manifestations de Wallonie avec livret détachable consacré aux balades à vélo. Votre été en Wallonie, votre guide touristique gratuit ce mardi 14 juin avec le journal L'Avenir. L'Avenir, l'avenir est au contenu. La boutique Bogos habille vos enfants de 4 à 16 ans avec les meilleures collections. Scotch et soda, IKKS, Pépé Jeans et bien d'autres. Boutique Bogos, rue du Collège Avisé, sur Facebook et localizy.com. Le commerce autrement, localizy.com. Localizy.com. On n'est pas des pigeons, vous non plus? Alors rendez-vous dès 11h sur Vivacité. Votre centre commercial Médiacité Liège, faites la musique. Des concerts gratuits avec le vendredi 17 juin, Two Kids on Holiday, Roscoe, John Abbey et Kid Noise. Samedi 18 juin, retrouvez d'autres concerts et vivez le match des Diables sur écran géant. Info, médiacité.be. Votre toit mérite l'excellence. Pour votre toiture privée ou industrielle, profitez du savoir-faire incomparable de Sodry. Sodry, une expérience de plus de 25 ans en rénovation de tout type de toiture. Devis gratuit, délai d'intervention rapide, main-d'œuvre locale. Sodry à Liège et sur sodry.be. 04 349 13 33. Jusqu'à 11h, c'est vous qui faites avancer le débat. 070 233 466. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Tous les pronostiqueurs, y compris au sein même de l'équipe de Vivacité, y compris Thierry Luters, qui avait vu 3 buts marqués par les Diables Rouges, tout le monde s'est planté. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? La Belgique, dans son premier match de l'Euro 2016, avec une équipe qui était censée être plus mature qu'au Brésil, qui était censée être prête, faite d'un collectif et d'individualité, eh bien cette équipe a perdu 0-2 contre l'Italie, but à la 32e, but à la 90e minute. Le rythme parlons-en. Les joueurs, parlons-en. De Lukaku à De Bruyne, pratiquement invisible, à tel point que Mark Wilmots a dit dans la conférence de presse d'après-match à propos de Kevin De Bruyne, je ne sais pas répondre à ça, à la question de ce qui est arrivé. Le gamin est peut-être fatigué après une saison harassante, c'est possible. Pourtant, il s'était bien préparé pour ce match, mais il a tellement donné à l'équipe nationale pendant 4 ans. Ne comptez pas sur moi pour l'accabler, ne comptez pas sur moi. Et si je l'ai laissé sur le terrain, c'est parce qu'il est toujours capable de mettre un coup franc ou une frappe de loin. Et puis l'ensemble du match, la première mi-temps, le petit moment de tension dans le début de la deuxième, et puis plus. Donc c'est à vous de le commenter. Qu'est-ce qui s'est passé hier et est-ce que ça va être chaud pour la suite? 070-233-466, SMS au 3063. Et Cosine en ligne, Serge, bonjour. Bonjour Benjamin. Est-ce que vous êtes grandement déçu d'hier ou vous l'aviez pressenti? Déçu, pas proprement dit, mais seulement, on peut constater que les capacités tactiques de Wilmots sont très faibles par rapport à un entraîneur comme l'Italie ou d'autres entraîneurs. Mais bon, à se demander si certains joueurs deviennent même intouchables à ses yeux. Qu'est-ce qui n'était pas tactique hier dans la composition Wilmots ou dans le système Wilmots? Là où on dit, c'est partout dans la presse ce matin, que les Italiens nous ont donné une leçon de tactique. Qu'est-ce qui n'allait pas dans la tactique Wilmots? Ce qui n'allait pas, c'est qu'on savait sur quelle face les Italiens allaient être dangereux. On a été pris sur ces faces-là. Secondo, De Bruyne, invisible, étant remplacé. Et alors, je remarque aussi que, bien souvent, Eden venait demander le ballon. Ben, est-ce qu'on veut réellement jouer avec lui ou pas? Ce sont des questions que je me pose quand je vois certaines situations et de fin de match. Vous pouvez donner votre avis sur le premier but. Il est impressionnant. Donc il y a cette longue passe qui part du milieu du terrain. Elle est vraiment très, très longue et elle aboutit dans les pieds. But. Comment vous l'avez trouvé, le premier but italien? Ça n'est pas logique. Il y a 3 joueurs belges pour un joueur italien à la réception du ballon. Et se sont fait rouler dans la farine comme des gamins. La défense, parce que d'après Courtois, le problème hier, ce n'était pas la défense. Vous êtes d'accord avec ça? Non, ça je suis d'accord. Ce n'est pas la défense. Il y a un problème dans l'entrejeu, ça c'est évident. Alors il retire un Nainggolan. Pourquoi il retire? Alors qu'il y avait autre chose à faire, pour moi. Vous auriez retiré De Bruyne, ou comme le dit Wilmots, je reprends la phrase, il est toujours capable de mettre un coup franc ou une frappe de loin, donc autant le laisser. Non, je retirerais De Bruyne. Pourquoi? Alors, s'il raisonne dans ce sens-là, il veut dire quoi? Que les autres joueurs, comme Carrasco ou Dries Mertens ou compagnie, ne sont pas aussi forts qu'un De Bruyne? Ils n'ont pas autant de crédibilité aux yeux de Wilmots que De Bruyne? Mais si vous retirez De Bruyne hier, vous ne le cassez pas complètement pour tout le début de l'Euro? Je ne pense pas, parce que hier, pour moi, il lui a rendu un mauvais service, parce que je suis sûr que le garçon n'est quand même pas quelqu'un qui est bête. Il s'est bien sûr rendu compte qu'il n'était vraiment pas dans son match. Pourquoi? Alors, c'est pas toujours rendre service à un garçon, de le laisser sur le terrain, alors qu'il n'est pas dedans. Pourquoi ça s'est pas amélioré en deuxième mi-temps? Parce que la première mi-temps, tout le monde est d'accord pour dire que c'était un rythme assez lent. Certains ont même dit, on serait cru dans un match amical. Pourquoi il n'y a pas eu de reprise en main des Diables, ou d'accélération, c'est selon? De l'accélération, on l'a vu pendant le premier quart d'heure, 20 minutes de la deuxième mi-temps. Bon, maintenant, on rate des occasions immanquables aussi à ce niveau-là. On ne peut pas les rater. La preuve, les Italiens en ont 2 ou 3, ils en mettent 2 au fond. Donc voilà, nous, on a des occasions en or, on ne sait pas en mettre une. Donc il y a un problème. Lukaku, moi je veux bien. Lukaku, oui, en Angleterre. Il marque des goals, ok, et en équipe nationale. Et c'est le gars, il ne sait même pas tenir un ballon dans ses pieds. Ah ben, on peut vous dire la même chose pour Eden Hazard. Je suis désolé, mais les phases dangereuses d'Eden Hazard, de la Belgique hier, c'est venu par Eden. Lukaku, vous mettez sur le banc contre l'Irlande? Moi, je mettrais Lukaku sur le banc. Pourquoi ne pas donner la chance à Batshuayi ou... Voilà. On est obligé de gagner les 2 prochains ou le prochain. Est-ce qu'on a une pression de dingue sur les épaules? Oui. Si on veut passer la qualification, on est obligé de gagner les 2 prochains. Mais vous avez entendu mes mots, hein. Est-ce qu'on a une pression de dingue? Je suppose que les joueurs vont avoir une certaine pression, déjà en montant contre l'Irlande, en sachant. Maintenant, ils savent très bien qu'ils ne peuvent plus être battus et qu'ils sont dans l'obligation de gagner. Donc la pression, elle va être là, directement. Ah, vous avez entendu la méthode de Wilmots, hein, qui a dit que dans sa suite, il y avait un fauteuil et c'est là qu'il recevait un par un les joueurs pour les écouter. Et puis après, on prenait des décisions collectives, mais qu'il y avait d'abord un moment d'écoute et de rencontre en face à face. Tout le monde aimerait être dans la suite aujourd'hui pour savoir ce qui va se dire, évidemment. Binge nous appelle. Nadine, bonjour. Oui, bonjour. Hier soir, qui pour vous dans l'équipe des Diables n'était pas l'homme du match? Axel Witsel. Pourquoi ? Malheureusement, c'est lui, comme le monsieur a dit tantôt, il a freiné toute son équipe. Si De Bruyne, on le critique aujourd'hui, c'est parce qu'il n'a jamais eu d'assist. Il n'a jamais eu un ballon qui pouvait bien partir. Et quand il a... Non, on le critique parce qu'il dit lui-même que quand il est sur la droite, il n'est pas performant. Pourquoi on met sur la droite un gars qui dit lui-même qu'il préfère être dans le central ? C'est autre chose, ça. Ça, c'est à Wilmot, c'est son choix. Mais maintenant, il faut être réaliste et voir que Axel Witsel, hier, il n'a rien fait, malheureusement. Et aujourd'hui, on critique tant Kevin, mais Kevin, il a fait son boulot, malheureusement, sans aide, sans aucune assiste. Et maintenant, on le critique, mais quand on voit un Fenani qui a le ballon dans ses jambes et qui ne voit même pas le ballon devant le goal et qui n'avait qu'à le mettre, franchement, là, c'est triste aussi. Nadine, il y a une charge, je le vois dans les SMS ce matin, contre Mark Wilmots qui est pointé comme le responsable. Est-ce que vous pointez Wilmots de la même manière ou vous pointez des individualités qui n'étaient pas là hier soir ? Je pointe Wilmot parce que bon, il a fait un mauvais choix en protégeant toujours Axel Witsel, en le mettant, en retirant Raja, qui a fait un super beau match parce que quand il a commencé à être dedans et vouloir aller, là, on l'a retiré. Il a été quand dedans pour vous ? Parce qu'on a l'impression qu'en première mi-temps, il n'y a personne dedans. Hein. Bon, écoutez, il a quand même fait quelques passes, mais qui étaient vraiment bien, mais toujours comme Kevin, sans aucune assiste. Malheureusement. Et le football, comme je disais tantôt, c'est un jeu d'équipe, c'est un ensemble, tout le monde doit être en communication, et là, malheureusement, il n'a pas. Vous avez un petit mot rassurant, Lukaku est déçu, il l'a dit hier, il y avait une déception qui était très très grande. Mais oui, mais Lukaku aussi, c'est un gars qu'il faut le servir. Mais s'il n'a pas ce ballon, comme Kevin, s'il n'a pas un ballon pour aller, il ne peut pas le faire. Vous n'avez pas un petit mot rassurant pour lui ? Parce que tout le monde le veut sur le banc, en plus, ce matin. Non. Franchement, Lukaku, c'est un gars. Regardez quand il a joué avec son frère, les belles passes qu'ils ont faites. Là, il a été servi. Et c'est ça le problème. C'est le manque de... Je ne sais pas comment dire, de jeu. C'est un manque de jeu qui s'assiste. Regardez Simon, comme il a couru. Regardez Simon, le bel exemple qu'il a fait. Ah ben c'est quasi l'homme du match dans la première mi-temps. Hein. Effectivement, si vous nous regardez sur la une télé, j'ai l'ensemble de la presse francophone qui est dans mon dos, de piéger à les diables ou blanchir dans l'euro, déjà sous pression, la gifle italienne où ça commence mal. C'est la Libre qui a choisi la gifle italienne qui était la une préférée de l'équipe du 8-9 ce matin. Demandons un avis en quittant Binche, Anderlecht. Antoine, bonjour. Bonjour. On s'est pris une gifle hier, on a été humilié hier, on a eu un jour sans hier. Qu'est-ce qui s'est passé hier ? Ben écoutez, je suis un ancien joueur professionnel de football. Je vais vous dire une chose, je ne critique personne, mais je suis obligé de parler. En football, à ce niveau-là, quand il y a des grands tournois comme ça, il faut deux personnes dans une équipe, comme nous avons. Il faut un meneur d'hommes sur le terrain et un technicien à côté du terrain. Le meneur, c'était qui ? Le meneur, c'était qui ? Parce que Compagnie n'était pas là et Denazar était capitaine. C'était qui le meneur ? Il n'y avait pas de meneur. Ah, il n'y avait pas de meneur. Dans le match de hier, je n'ai vu aucun meneur de jeu. Par contre, l'entraîneur, que je ne critique pas parce que j'aime bien Wilmot, c'est un gars qui a fait des choses extraordinaires en étant joueur, sur le banc, il doit être un tacticien, ce qu'il n'est pas. Quand vous voyez qu'en principe, l'Italie est moins forte individuellement, leur entraîneur a mis des hommes qui valaient 6 sur 10, il les a fait monter à 8 sur 10. Pourquoi ? Parce que lui, il n'était pas sur le terrain, mais c'est un tacticien. Alors je vous le dis à la grosse louche, on savait que l'Italie allait faire bloc avec sa défense, que c'était un truc impénétrable. Lukaku, c'était pas un gars capable de s'infiltrer ? De Bruyne, c'était pas incapable de s'infiltrer ? Bon, on va dire simplement, on va pas critiquer. Hazard, c'était pas celui qui devait s'infiltrer ? Monsieur, je vais vous dire une chose, l'Italie, il y a deux arrières centraux qui jouent ensemble avec leur gardien à la Juve. Ah, il y a de l'automatisme. Ils ont gagné 14 matchs dans leur championnat 1-0. Oui, mais l'automatisme, on ne sait pas l'inventer. Ils jouent en club. Oui, mais voilà. Ici, nous avons des joueurs qui sont pratiquement plus forts techniquement, mais qui ne jouent jamais ensemble, à part quelques matchs amicaux et tout. Mais nous avons besoin d'un technicien, un tacticien sur le bord du terrain. Ah ben alors, c'est toute la question. Qu'est-ce qu'on pouvait faire, puisqu'ils ne jouent pas ensemble en club, et qu'en face, on avait des gars qui jouaient ensemble en club. Antoine, il manquait les deux, le meneur de jeu sur le terrain et celui sur le banc, visiblement. La critique est sévère. Allons à Ruysbroek dans un instant, et nous verrons là aussi comment on analyse non seulement la présentation des Diables, mais à Ruysbroek, commentaire sur Lukaku. Jusqu'au 25 juin, Shopping Cora Recours vous invite au Salon des Nouvelles Technologies. Réalité augmentée, objets connectés, écran tactile géant, hologramme, jeux, animations et démos high-tech en galerie. Vivez des moments intenses entre amis ou en famille et profitez d'offres de remise haute définition. Le futur est déjà au Shopping Cora Recours. Envie de vibrer où, quand et comme je veux? RTBF Ovio, le sport où, quand et comme je veux, c'est sur rtbf.be/ovio. A-U-V-I-O. RTBF Ovio, libérez vos envies. UEFA Euro 2016. Vivez tous les matchs en direct sur Vivacité. Ce mardi, Autriche, Hongrie et Portugal-Islande. But après but, avec la rédaction des sports. Et dès 20h, en direct de Saint-Étienne avec l'équipe de Complètement Foot, Vivacité vous fait vivre un euro bleu, blanc, diable. Avec voyage-sncf.com et l'Office du tourisme de Saint-Étienne Métropole. Et au 070-233-466, c'est très clair, Marion, au standard, c'est Wilmot qui en prend plein la tête. Effectivement, Benjamin, Marc Wilmot s'est montré du doigt comme coupable de la défaite des Diables Rouges hier. Rudy de Mont-Saint-Aldegonde, près de Binge, il explique que Marc Wilmot n'a tout simplement pas le niveau. Son équipe est trop forte par rapport à lui et il n'a pas les épaules d'un entraîneur d'équipe nationale. Alors, ce n'est pas parce que Marc Wilmot a joué une Coupe du Monde en 2002 qu'il sait mener une équipe à la victoire. Pour Alan de Lustin, Marc Wilmot a un problème, vraiment un gros problème de favoritisme. Il a laissé jouer Lukaku et De Bruyne parce qu'ils font partie de ses petits chouchous, de ses favoris. Or, tout le monde a remarqué qu'hier soir, eh bien, De Bruyne n'était pas là, il était à côté de ses pompes et c'était vraiment du suicide, selon Alan, de garder De Bruyne sur le terrain pour les 90 minutes. C'est vraiment parce que Marc Wilmot le chouchoute. Moustapha de Scarbeck estime que le coach national a une grande responsabilité. Il n'y a pas de jeu dans l'équipe nationale et c'est la faute de Marc Wilmot. Il se cherche, il ne sait pas encore quelle tactique jouer et ça, c'est vraiment préjudiciable à notre équipe. Camille de Toricourt, eh bien, elle explique que quand un navire coule, le capitaine est responsable. Ici, pour une équipe de foot, c'est tout à fait pareil, c'est l'entraîneur qui est responsable. Et Camille ose aller encore plus loin et elle réclame la démission de Marc Wilmot avant le prochain match des Diables. Ah ben démission, déjà, il en reste encore deux dans le groupe, hein. Il reste encore l'Irlande et la Suède. 070-233-466, Ruysbroek, Naufel en ligne, bonjour. Bonjour Benjamin. Lukaku, on était obligé de l'aligner, il avait fait les matchs de préparation. On est d'accord qu'il fallait l'aligner. On est d'accord qu'il fallait l'aligner, mais bon, Lukaku hier a fait un très très mauvais match. Et malheureusement, le garder, le changer à la 72e minute, je pense que Wilmot n'a pas fait son boulot comme il fallait, c'est tout. Pourquoi vous le pointez? Parce qu'on cherche celui qui était créatif hier dans les Diables. Il n'y avait pas beaucoup de créativité hier, ni collective, ni individuelle. Moi, j'ai quand même vu des ballons qui allaient vers Lukaku et Lukaku n'a absolument rien fait. Il n'a même pas bougé, il n'a rien fait. Il faisait grâler sur le terrain. Pour moi, à la deuxième mi-temps, au début de la deuxième mi-temps, il fallait le sortir. Lukaku n'a rien foutu. Qui? Alors, foutu, qui? Vous mettiez qui? Je mettais Benteke, je mets Benteke, je sors Lukaku, mais laisser Lukaku jusqu'à la 72e minute, c'est une erreur de la part de Wilmot. C'est tout. Il n'a rien foutu. Il a reçu des ballons, il n'allait pas les chercher, il n'était pas dans son match. Ce n'est pas un match pour Lukaku. Les Italiens sont très malins, sont très vifs, et voilà. Je n'en sais rien, mais est-ce qu'on peut appliquer à Lukaku ce que Marc Wilmot a dit de De Bruyne? Je le laisse parce qu'il est capable de, dans le cas de De Bruyne, d'un coup franc ou d'une frappe de loin, je le laisse parce qu'il est capable de. Est-ce qu'on peut imaginer que Wilmot s'est dit ça? Oui, on peut s'imaginer qu'il se dit ça, mais à ce moment-là, quand on voit comment Lukaku joue, c'est tout, il faut le sortir. On doit changer, il faut changer de technique. Il est entraîneur, il doit avoir les épaules pour affronter des équipes comme ça. Oui, mais derrière, on ne peut pas dire qu'il y a des blocs créatifs qui alimentent en masse. La défense, on n'en a pas encore beaucoup parlé, mais le milieu de jeu, d'après Courtois, c'est de là que vient le problème. C'est du milieu. Pour la Belgique. Pour la Belgique. Courtois, il dit ça. C'est pas la défense, le problème hier. C'est le milieu de terrain. Non, c'est pas le milieu de terrain. C'était l'attaque. L'attaque, le milieu, ça jouait. Il y avait Marouane Fellaini qui a fait un très, très bon match. Franchement, il s'est bien défendu. Il était là. Il y avait l'attaque. Nous, on a un problème. L'équipe nationale belge a un problème au niveau de l'attaque. À l'attaque, il n'y a rien qui se... Ah ben, Courtois, il dit qu'il faut absolument qu'on discute et qu'il faut qu'on ose ouvrir cette conversation sur le milieu de terrain. Vous n'êtes pas d'accord avec Courtois ? Non, je ne suis pas d'accord avec Courtois, non. Peut-être qu'il faut revoir quelque chose, mais la première chose qu'il faut revoir pour l'équipe nationale, c'est l'attaque. Au niveau de l'attaque hier, il ne s'est absolument rien passé. Et pourtant, Lukaku a reçu des ballons, mais il n'a rien fait. Alors, il faut le sortir. Mais Marc Wilmot, il a des chouchous. Il préfère garder comme un joueur comme De Bruyne. Hier, il fallait le sortir, De Bruyne. Il fallait sortir De Bruyne. On a gardé De Bruyne. Si vous le sortez, vous le brisez. Vrai ou faux ? Si vous le sortez, vous le brisez pour le reste de l'Euro. Pourquoi ? Ah, je vous pose la question, vrai ou faux ? Ben non, faux. Pour la suite, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ben, moi, je pense que pour la suite, maintenant, on va affronter l'Irlande. Marc Wilmot a bien intérêt à changer sa tactique, parce que là, ce qu'il nous a fait hier, c'était n'importe quoi. Mais il doit changer la tactique ou il doit changer les gens ? C'est pas la même chose. Mais il doit changer sa manière de faire. Il doit sortir les joueurs. Quand on voit que ça ne fonctionne pas, on ne les laisse pas sur le terrain. On change, il y a des autres joueurs. Ah ben on ne pourra pas en changer 5000, c'est pour ça que je vous demande qui doit être sorti, qui doit entamer le prochain match contre l'Irlande, samedi à suivre sur Viva. Nofel, vous m'avez donné un nom responsable, Lukaku. Doncel, Francie, bonjour. Bonjour, vraiment. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qui on laisse sur le banc pour le match contre l'Irlande ? Qui ? Tout le monde joue bien, hein. Mais seulement, bon, hier, il n'était pas dans un bon jour, Lukaku et De Bruyne. Attendez, tout le monde joue bien. Je vous prends en comparaison, n'est pas raison, mais vous savez que dans... Les Italiens avaient un bloc imperçable à l'arrière et c'était pas possible de les percer. Francis, je vous confronte à la presse deux secondes. Le mur des Italiens. Francis. Alors, ils ont joué très intelligemment en jouant en contre-attaque avec une défense qui était affaiblie puisque tout le monde montait à l'attaque chez nous. Francis. Je glisse une question au passage, parce que vous me dites que tout le monde a bien joué. Je vous prends, il y a des cotations de joueurs partout dans la presse ce matin, j'ai celle de la dernière heure sous les yeux, j'aurais pu en prendre d'autres. Ils sont tous à 5-6. Lukaku, 4. De Bruyne, 4. Fellaini, 5. Witsel, 6. Hazard, 5,5 sur 10. Alderweireld, 4,5. Nainggolan, 5 sur 10, etc. Et vous me dites qu'ils ont tous bien joué. Ils sont tous bien battus, mais ils ont mal joué. C'est différent. Ah, ils ont bien ou mal joué ? Ils se sont battus quand même, comme des bêtes. Hein? Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas eu de la réussite et que, bon, c'était pas le mieux, quoi. Mais devant eux, ils avaient une défense imperçable. Comment vous pouvez dire qu'ils se sont battus alors que dans la première mi-temps, tout le monde... C'est de l'arbitrage. Francis, comment vous pouvez dire qu'ils se sont battus alors que dans la première mi-temps, tout le monde parle d'un rythme de match amical ? Ouais, c'est valable pour les deux équipes, ça. Hein. C'est valable pour les deux équipes. Mais moi, ce que je regrette, c'est qu'on ne parle pas de l'arbitrage. Parce que l'arbitre, il a donné 5 cartes jaunes aux Italiens pour 0, je crois, à la Belgique. Et donc, parmi ces 5 cartes jaunes, il y en avait au moins 2 ou 3 qui méritaient d'être rouges. Et s'il n'y avait pas eu ces arrêts intempestifs par les Italiens, eh bien, on aurait peut-être réussi à marquer et ça aurait pu être tout à fait différent. Vous êtes sûr de ça parce que de mémoire... Il n'y a pas de la magouille de la derrière. Vous êtes sûr de ça parce que de mémoire, de la 32e, le premier but italien, à la 60e, c'est pas passé grand-chose pour les Diables Rouges. Ils n'ont pas beaucoup réagi. Non, c'est surtout vers la fin qu'ils ont qui a eu les cartes jaunes, quoi. Hein. Ok, donc ça aurait pu changer le cours du jeu. Vous savez que le deuxième but italien arrive à la 90e, hein, quasi dans les arrêts de jeu. Vous êtes ce matin à Doncel. Il est 10h31. L'heure de la proportion maintenant. Dans les appelants de ce matin, Marion, combien estime qu'on a surestimé les Diables ? Bien, 72% pensent que les Diables Rouges ont été surestimés. Depuis la Coupe du Monde, les Diables sont encensés et plus personne n'est objectif dans ce pays. Ça fait des mois que tout le monde parle des Diables en finale de l'Euro. Et au final, peut-être qu'ils ne passeront même pas le premier tour. Rachel Demaline le dit, les joueurs sont bons individuellement, c'est vrai. Mais en équipe, le résultat n'y est pas. Il ne suffit pas d'avoir de bons éléments pour gagner. Il faut qu'ils forment une vraie équipe. Rachel rajoute que ceux qui pensaient que la Belgique allait battre l'Italie étaient vraiment des grands naïfs. RTBF Mobile Info maintenant, Stéphane. Et toujours des soucis sur l'E42, Benjamin. L'E42 qui relie Namur à Mons à hauteur de Gosselies. Les voies centrales et de droite sont toujours obstruées à la circulation suite à un accident intervenu hier soir entre deux camions. Des files depuis Sambreville sur 9 km et il faut encore ajouter pratiquement une heure en direction de Mons. Bon courage. Il y a également de gros embarras de circulation sur la Nationale 29 entre Fleurus et Lambussard. Et à mon avis, on va encore en parler jusqu'à midi de cet accident puisque le dépannage des remorques est toujours en cours actuellement. Et puis autre accident en province de Liège, il implique plusieurs véhicules sur le 42, Prume-Bâtisse à hauteur de Teux. Les voies centrales et de droite sont neutralisées en direction de Bâtisse. La circulation est devenue fluide aux portes de Bruxelles à l'exception de le 411. En venant de Namur, vous êtes ralenti à partir de Jésus-Eyck jusqu'au carrefour Léonard. Sur le ring, la circulation se passe globalement bien, à l'exception de la circulation intérieure entre Halle et Forêt vers Grand Bigard. À cause des travaux Anderlecht, il faut encore ajouter 20 minutes à votre temps de parcours. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Dans un instant, question qui dérange, j'attends un non dans 6 mois, puisque le décompte a commencé. Dans 6 mois, il n'y aura plus de sacs plastiques à usage unique aux caisses des supermarchés de Wallonie. Et bien alors, question qui dérange, qu'est-ce que je fais? Je porte tout avec mes mains ou il y a des alternatives? J'attends un non après la pause. On ne devrait pas passer ses vacances à chercher du Wi-Fi. Qui veut voir mes photos de vacances? Bon, alors ici, c'est Brian Cybercafé. Là, c'est Brian Fast Food. Wow. Alors là, c'est... Ah, ben c'est Brian dans les couloirs de l'hôtel. Oh. Et là, c'est Brian sur la terrasse de l'hôtel. Alors là... Avec Orange, ne cherchez plus de Wi-Fi. Appel, SMS et surf en Europe au même prix qu'en Belgique. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions et activation sur orange.be. Promo valable jusqu'au 31 août inclus. Une maison Batico? Oui, une maison prête à vivre. Tout est vraiment fini. Vraiment? Et l'extérieur? Ils ont pensé à tout, des raccordements aux plantations. Tout est entièrement terminé. Oui, mais à l'intérieur? Aucune surprise, tout y est. Volets, parquets, meubles de salle de bain et même une cuisine entièrement équipée avec électro de qualité allemande. Et le délai? Et le prix? Chez Batico, pas de mauvaise surprise. Les prix sont renseignés, tout frais compris. Et les délais? Ils sont toujours respectés. Batico, plus qu'un nom. Une signature. Surfez dès maintenant sur batico.be. Ce dont on a le plus besoin au réveil, c'est de vivacité. Alors, demain matin dès 4h30, Bernard Dewey vous réveille avec vivacité. C'est vous qui le dites, la question qui dérange. Regardez bien l'agenda et votre supermarché en Wallonie. Nous sommes dans le décompte. Dans 6 mois, il n'y aura plus de sacs plastiques à usage unique aux caisses des supermarchés de Wallonie. Date 1er décembre 2016. Et puis, ce n'est pas tout, puisque dans l'agenda qui continue, le reste des sacs plastiques sera complètement interdit au 1er mars 2017. On est dans la dernière ligne droite, sauf que question qui dérange, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a des alternatives ou on prend tout en main parce qu'on n'a pas encore bien compris quelles étaient les alternatives aux sacs plastiques? Celui qui famue, qui pollue fameusement. Vous cherchez Mélanie Joris, le bon interlocuteur dans ce dossier. À qui parlera-t-on tout à l'heure? Eh bien, nous parlerons avec Charles Petit. Il est chef de Comeos Bruxelles et senior advisor pour Comeos Wallonie. C'est donc bien avec la Fédération du commerce et des services que nous aurons cette conversation. Pour la Fédération, un des gros problèmes est l'absence d'uniformité entre les régions, mais aussi et surtout l'absence de réelles alternatives aux aussi efficace et étanche que les sacs en plastique. Les sacs papier coûtent 3,5 fois plus cher que les sacs en plastique et ils sont plus fragiles en cas d'humidité. Autre problème sous-jacent, les camions peuvent transporter moins de sacs papier que de sacs en plastique, beaucoup plus fins. Le secteur estime également avoir déjà pris le problème à bras-le-corps puisque depuis 2003, les grandes surfaces proposent des sacs réutilisables aux caisses et cela avait déjà permis de réduire de 80% l'usage des sacs en plastique à usage unique. Donc, on croit comprendre que l'alternative révolutionnaire et nouvelle n'est pas encore là. On en parlera avec la Fédération de la Grande Distribution tout à l'heure, mais vous pouvez orienter notre conversation en laissant votre commentaire à Marion au standard. Gwenaël de Ebly refuse d'emballer sa viande, son poisson et ses fruits et légumes dans d'autres sacs que ceux en plastique. Elle trouve que ce n'est tout simplement pas hygiénique d'emballer dans du papier des produits qui sont humides. Alors, Gwenaël ne veut pas non plus entendre parler des sacs biodégradables parce qu'elle trouve qu'ils ne sont pas solides, ils se brisent beaucoup plus facilement que les autres. Alors, elle pose cette question, est-ce que le ministre de l'Environnement qui a pris cette décision a déjà essayé d'emballer un kilo d'Américains saignants ou encore de cabillaud coulant dans un sac en papier ? 1er décembre 2016, donc, c'est dans 6 mois, on est dans le décompte. Plus de sacs plastiques à usage unique aux caisses. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? On prend tout dans ses mains ? C'est la question qui dérange à 10h45. C'est vous qui le dites. En attendant, vous avez souhaité commenter le match des Diables Rouges hier soir, battu 0-2 par l'Italie. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et est-ce que ça va être chaud pour la suite ? La suite, c'est dès samedi. La presse, dans son ensemble, est très sévère ce matin, et sur les Diables, et sur le système Wilmots. Que faut-il faire maintenant ? 070-233-466 par SMS au 3063 pour entrer dans la conversation à Uldenberg, près de Wavre. Karl, bonjour. Oui, bonjour. Commentaire général sur la première mi-temps et sur le rythme de la première mi-temps. Je vous écoute. Moi, j'ai l'impression de ne pas avoir vu le même match que tout le monde. J'ai encore été voir sur le défilé de la FTBF. Première action dangereuse des Italiens, 28e minute. But, évidemment, c'est toujours une erreur, un but. 32e minute, quand vous perdez 0-1 contre les Italiens, c'est très difficile. Comme je disais également, si on regarde sur l'ensemble du match, les quatre cartes jaunes qui sont données ont complètement anéanti les velléités offensives des Belges. Je fais une petite parenthèse, Karl, parce que vous me donnez le faible score des Italiens, mais qu'est-ce qu'on note pour les Belges dans la première mi-temps ? J'ai noté à la 10e minute un tir boulet de canon de Nainggolan, et puis ? Il y a eu deux tirs d'Nainggolan, je pense, qui ont été cadrés. Il y a eu un tir d'Axel Witsel, parce que ça me fait aussi toujours rire quand on dit qu'il est très lent, mais il faut un petit peu voir, hein. Analysons quand même le jeu des Belges en ballon, c'est pas terrible. Comment voulez-vous donner une activité et une rapidité et un jeu de profondeur à l'équipe belge qui n'est pas capable de jouer sans le ballon ? Je pense que c'est là qu'est le problème, essentiellement. Et Lukaku, s'il met son occasion, c'est 1-1 et on voit un tout autre match. Et quand Lukaku, s'il en met un, on oublie le reste de la prestation, parce que pour l'instant, c'est l'ensemble de la prestation. Comme tout le temps. Je ne vous entends plus. Je vous écoute. Ah, je dis non, on retient que le résultat, c'est ce qui est malheureux. Il y a deux hommes, Hazard et De Bruyne. Je prends exprès ces deux hommes-là parce que c'est les flancs. Hazard et De Bruyne. Ah ben là, c'est moi qui vous ai perdu. On a un problème de connexion, visiblement, avec Karl et la région de Wavre. Désolé, Karl. Allons à Amé, dans ce cas. Alex, bonjour. Bonjour. Je vous fais la même question, du coup. De Bruyne, Hazard. Hazard, De Bruyne. C'était noir et blanc, quoi. Donc, Hazard, très entreprenant. Heureusement qu'il était là pour au moins porter le ballon et amener le ballon jusque la défense italienne. De Bruyne, bah, c'est un jour sans, ce qui arrive à n'importe quel joueur de haut niveau. Donc, faut pas avoir peur à ce moment-là de toucher l'ego de joueur et de le mettre sur le banc après une heure de jeu, quoi. Il faut bien s'en rendre compte. Ça arrive à tout le monde d'être dans un jour sans. Mais attendez, saison sans, jour sans, vous le mettez sur le terrain samedi ou pas ? De Bruyne. Contre l'Irlande. De Bruyne. Oui, si je le place dans l'axe. Oui, mais le choix, c'est de le mettre sur le flanc. Ah, ben là, je pense qu'on risque d'avoir les mêmes problèmes, dans le sens où, à partir du moment en deuxième mi-temps, quand Chiellini part balle au pied, Lukaku n'est même pas capable de rejoindre un gars qui a presque 40 ans et que De Bruyne marche à ce moment-là, il ne couvre même pas son flanc. Je fais là, il y a un gros problème carrément de motivation, quoi. Vous demandez à Mark Wilmots de reconnaître une erreur sur le dossier De Bruyne ? De reconnaître une erreur ? Ben non, je ne suis juge de personne, quoi, mais je veux dire, à un moment donné, il ne faut pas avoir peur de toucher l'ego de certains joueurs qui sont montés très vite en puissance sur les plateaux télé, sur la presse et tout ça, et voilà, ça arrive à tout le monde d'avoir un match. Est-ce qu'il y a un mea culpa, pour le dire autrement ? Est-ce que Mark Wilmots doit faire un mea culpa ? Ben, je pense que Wilmots aurait dû prendre pour lui cette défaite-là, de ne pas avoir peur de le dire, quoi. Quand je pense qu'à la télévision, il dit que Marouane Fellaini a mis sous l'été noir un gars comme De Rossi, alors que si on regarde bien, De Rossi, c'est quoi ? C'est le quatrième ou le cinquième choix de Conte à cette place-là. Attendez, donc, j'ai pas compris, parce que dans l'interview d'avant-match, dans l'interview d'avant-match, Marc Wilmots au micro de Vincent Languendries et qui dit « Je viens de voir la composition de l'équipe italienne, ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on avait prévu et c'est exactement le briefing qu'on avait aux joueurs. » Donc il avait senti cette compo-là d'équipe en plus. Ouais, mais il arrivait un autre match, à mon avis. Il croyait que Darmian allait rester sur De Bruyne derrière, quoi, il n'est jamais monté. Or, c'est pas vrai, l'Italie ne joue plus le Catenaccio depuis 10 ans. Hein. C'est foutu pour la suite ? S'il n'y a pas une remise en question, surtout d'un point de vue de l'axe du jeu de notre équipe, quoi. Fellaini et Witzel, pour moi, ne sont plus aussi intransigeants dans le milieu. On va pouvoir gérer cette pression-là. La pression de voir Jeff jouer. On va pouvoir gérer cette pression-là ou elle sera trop forte pour nous, puisque l'attente était grande. Ah, il faut se méfier des Irlandais, parce que voilà, en plus, ils aiment bien les ballons derrière la défense, donc... Est-ce que les milieux vont être assez... parce que voilà, à part Negolin qui a arraché les ballons, quoi, Witzel qui peut gagner quelques duels de la tête... Vous pronostiquez l'Irlande ? Si on laisse passer les ballons au-dessus de la défense, on sera refait comme avec l'Italie. Vous pronostiquez l'Irlande ? Combien ? Non, pas du tout, parce que je crois en l'équipe, je crois au talent de nos joueurs. Quoi. C'est juste que peut-être l'entraîneur doit se remettre plus que... vite en question et surtout d'un point de vue tactique. Ah, parce que notre conversation a démarré sur « faut pas avoir peur de bousculer l'ego des joueurs » et elle se termine sur « Marc Wilmots doit se remettre en question », m'avez-vous dit, sans pronostic, mais avec un espoir de victoire contre l'Irlande. Allons au 070-233-466 avec un commentaire, Marion, sur cette équipe italienne et sur le jeu italien d'hier. Voilà, des critiques faites envers les Italiens. Ils ont joué un mauvais football. C'est notamment l'avis de Flavie Desneux. Les Italiens ont été obligés de commettre plein de fautes pour gagner, pour bloquer la remontée des Diables et les empêcher de marquer. Alors avec un jeu pareil, c'est très difficile pour les Diables de s'en sortir et de mettre des goals eux aussi. Willy de Torrebel et Beguin trouvent que le nombre de fautes de la part des Italiens est tout à fait révélateur de la manière dont ils jouent pour gagner. 5 cartes jaunes, dont 3 qui auraient pu être rouges selon Willy. Eh bien, les Belges ont peut-être perdu, mais eux au moins, ils ont joué un vrai football, un football propre. Et rien que pour ça, eh bien, c'est tout à leur honneur. Brad Lecomte, dans C'est vous qui le dites. Eric, bonjour. Oui, bonjour, Benjamin. On n'a pas dit grand-chose de Courtois ce matin. Courtois, 24 ans, celui qui dit, notamment sur le premier but, on va critiquer la défense, mais ce n'est pas un problème de défense, c'est un problème de milieu de terrain. Courtois, vous l'avez trouvé comment hier ? Un problème d'équipe, hein, tout simplement. Hein. Je pense qu'à un moment donné, en fait, il y a eu des manquements à certains niveaux. Il y a eu vraiment maintenant, j'entends qu'on attaque Marc Wilmots. Bon, voilà, il a peut-être fait mauvais choix tactique, hein, mais bon, ça arrive à n'importe quel entraîneur. Mais le manquement, il était où ? Parce que l'enjeu, on le connaissait. L'adversaire, on le connaissait. Les matchs de préparation, on les a faits. Il est où le manquement ? Je pense que le manquement, il y a eu des manquements à certains postes, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui étaient là hier, qu'il fallait peut-être ne pas mettre. C'est des joueurs qui ont pris peut-être ce match à la légère, je sais qui, pas. Peut-être qu'on se réfère au match amical, hein, contre l'Italie, mais il faut arrêter. Hein. C'est un match amical, c'est pas un match officiel. Vous vous souvenez des matchs amicaux, des trois derniers ? On a dit que dans les trois derniers matchs amicaux, la seule bonne nouvelle, c'était qu'à chaque fois que les Diables étaient menés, ils étaient revenus au score, ils avaient renversé la situation. Hier, ils ne sont pas parvenus à faire ça. Déjà ça, c'est pas normal d'être mené à chaque fois quand, quand on a une équipe pareille, on a une équipe remplie de talent, et puis on est chaque fois mené, et il faut attendre d'être mené pour revenir au score, pour seulement jouer. Donc déjà là, il y a un problème. Donc je pense qu'à un moment donné, oui, il y a un choix tactique qui a été mauvais, qui est peut-être mauvais par rapport à l'équipe. Il y a peut-être des joueurs qu'on a repris, puis il y a des joueurs qu'on n'a pas repris, qu'il fallait peut-être reprendre. Hein. Comme moi, je pense à Miralas. Voilà. Bon, on va faire avec ce qu'on a. Qui fallait sortir hier en premier ? Le premier que vous auriez sorti ? Je pense que De Bruyne hier n'était pas dans son match. Pourquoi ne pas faire monter un Carrasco tout de suite ? Et voilà, donc on a fait monter Mertens, c'est une chose. Mais Mertens, il fallait peut-être l'aligner d'entrée. Parce qu'on sait que c'est un joueur qui est un peu frustré, hein, finalement. Parce que, voilà, ce joueur en a marre d'être le second couteau ou le joker de luxe ou ce genre de choses. Vous me dites quoi pour la suite ? Vous me dites quoi pour la suite ? On est obligé maintenant de faire un 6 sur 6, mais est-ce qu'on y arrivera ? Je pense qu'avec les joueurs qu'on a, il y a tout à fait moyen d'y arriver. Hein. Oui, mais avec les joueurs qu'on a, on devait battre l'Italie hier, hein ? Ben tout à fait. Je pense que sur papier, on est sûrement meilleur qu'eux, parce que je pense pas que l'Italie hier a été formidable. Quand on voit les fautes qu'ils ont fait et ce genre de choses, maintenant il faut arrêter. Ça, c'est vraiment du jeu à l'italienne. C'est écœurant. J'ai parlé aujourd'hui avec beaucoup d'Italiens qui m'ont dit que c'était une honte. Quand j'ai vu les joueurs jouer, c'était honteux. Mais voilà, je pense qu'à un moment donné, oui, voilà, mais on veut pas se reposer là-dessus. Hein. Ben, pronostiquez-moi l'Irlande, Irlande-Belgique. Ben écoutez, si on joue comme hier. Ben, je vois pas la Belgique gagner. Hein. Ah oui, mais si on joue comme hier, on va pas battre la Suède non plus. Ça, c'est pour tout vous dire, ça semble être une évidence. Pas de prono alors pour le match qui suit, prochaine étape, samedi donc. Une pause maintenant, une question qui dérange. Comment on va faire la caisse du supermarché s'il n'y a plus de sacs plastiques?